mètres de l'arrivée. Je vous rappelle ce faux plat de 800 mètres. Ça commence à monter dès maintenant. Les Diamond Sundata également en tête du peloton. Les Orica Green Edge pour Michael Matthews, évidemment. C'est un profil qui convient à Michael Matthews. Il y a là aussi les Katusha pour Alexander Christophe et les Zetix Quickstep, évidemment, pour Marcel Kittel. Le sprint sera bientôt lancé, moins de 500 mètres de l'arrivée, moins de 500 mètres. Et ce sont maintenant les Katusha qui sont en tête du peloton. Il n'y a plus de Lotto Soudal. André Greipel va devoir se débrouiller comme un grand, mais il peut le faire, évidemment, tout comme Marcel Kittel, alors que le maillot jaune Peter Sagan déboule sur la gauche de la route et dans la roue de Peter Sagan, le français Brian Coquard. C'est fini pour Greipel. Tout le travail de son équipe pour rien. Il s'est relevé, André Greipel. Il y a là devant maintenant Marcel Kittel avec Brian Coquard. Est-ce que Brian Coquard peut s'imposer? Hop là, ça s'est joué comme hier, à peu de choses. Je miserai Brian Coquard. Hier, on avait misé sur le bon cheval en nommant Cavendish en attendant la photo finish. Aujourd'hui, je miserai sur Brian Coquard devant Marcel Kittel. Mais ça s'est joué une fois de plus à très très peu de choses. J'évoquais la soif de revanche d'André Greipel, il s'est totalement loupé. J'évoquais aussi l'envie débordante du petit Brian Coquard, son gabarit de puncher, épaule contre épaule à côté du géant Marcel Kittel. Il a lancé son vélo sur la ligne, Brian Coquard, et sincèrement je pense que c'est encore plus serré qu'hier entre Mark Cavendish et André Greipel. On nous remontre ce sprint et vraiment le finish ahurissant de Brian Coquard, deuxième à travers les Flandres. C'était au printemps dernier chez nous en Belgique. Il a remonté Peter Sagan, il a remonté Marcel Kittel, il a jeté vraiment son vélo sur la ligne après avoir été au contact avec Marcel Kittel, qui lui aussi dans ce dernier jump lance son vélo. Franchement, ça va se jouer à très très très peu de choses. Je continue à croire que pour 1 ou 2 mm Brian Coquard s'est imposé. On va attendre le verdict de la photo finish. Ça fait quand même 2 jours de suite qu'on a une photo finish sur le Tour de France. On nous annonce dans un classement provisoire Marcel Kittel. Voilà, eh ben, hier j'avais misé sur le bon cheval, un peu moins donc aujourd'hui semble-t-il, mais hier il y avait 2 cm entre le vélo de Cavendish et le vélo de Greipel. Aujourd'hui il y a 2 mm à peine entre le vélo de Kittel et le vélo de notre ami Brian Coquard. C'est officiel et il tombe dans les bras de son équipier Alaphilippe, Marcel Kittel, vainqueur de cette 4e étape du Tour de France. Marcel Kittel qui en avait remporté 4 en 2013, qui en avait remporté 4 en 2014. L'an dernier, il n'était pas présent sur le Tour de France, victime d'un virus dès le début de la saison. Il a été transféré l'hiver dernier par Patrick Lefebvre au sein de la grosse structure belge. Il s'était un petit peu loupé sur les premières étapes, mais Dieu sait s'il a du talent. Marcel Kittel, 28 ans, 1m88, 86 kilos, vraiment du costaud, hein. Et quand on le voit à côté de Brian Coquard, il y a un monde de différence avec le 1m69 et les 58 petits kilos de Brian Coquard. Marcel Kittel qui s'est déjà imposé sur les 3 grands tours. Ça lui fait maintenant 9 victoires d'étape sur le Tour de France, 4 sur le Tour d'Italie et 1 sur le Tour d'Espagne. 14 victoires d'étape. Et pour l'anecdote, hier, les coureurs de l'équipe Etix Quickstep se trouvaient dans le même hôtel que les coureurs de l'équipe Diamond Shun Data. Le vainqueur Cavendish était donc dans la même salle au petit déjeuner et au souper hier soir que Marcel Kittel. Et quand Cavendish a levé son verre hier soir pour féliciter ses équipiers, bien à la table d'à côté, il y avait les Etix Quickstep et Marcel Kittel qui évidemment tirait à la tête. S'ils sont encore dans le même hôtel ce soir, eh bien on aura droit au spectacle inverse. Et c'est désormais officiel de chez officiel, la victoire de Marcel Kittel. Demain, rendez-vous sur les premières pentes de ce Tour de France entre Limoges et le Lioran, 216 km. Et là, on ne parlera plus de Kittel, on ne parlera plus de Coca, mais on parlera sans doute des favoris du Tour de France. Merci Samuel Grelois de nous avoir fait vivre avec émotion cette arrivée du Tour de France. Il est 17h03 sur Vivacité, un point sur l'actualité et les titres de l'actualité. Entre 2 ans et demi et 16 ans de prison, le tribunal correctionnel de Bruxelles a rendu son jugement concernant la cellule terroriste de Verviers. Les juges ont été trop sévères pour les avocats des prévenus. Mon sentiment, c'est que à vouloir faire de la justice pour l'exemple, c'est certainement pas une bonne justice et c'est pas ça qui va arrêter les choses. 40 mesures pour contrer le terrorisme. La commission attentat de Paris a remis son rapport. Il faut notamment réformer les services de renseignement français. Les associations des victimes espère que ce ne sera pas qu'un catalogue de bonnes intentions. Plus d'un Belge sur 10 ne surfe jamais sur Internet. Comment font-ils dans la vie de tous les jours? C'est ce que nous verrons dans un instant. Pour le pire et le meilleur, l'UCL et Saint-Louis fusionnent. 30 000 étudiants du côté de l'UCL, 3 500 du côté de Saint-Louis. En cyclisme, vous venez de l'entendre, Marcel Kittel vient de remporter la 4e étape du Tour de France, une étape destinée aux sprinters, la dernière avant la montagne. Nous retrouverons Samuel Grulois dans ce journal. Enfin, le bikini a 70 ans, et oui, il est né le 5 juillet 1946. Petit retour en arrière en fin de journal. Le journal de 17h vous est présenté par Simon Gérard. Simon, le jugement concernant la cellule terroriste de Verviers a été rendu cet après-midi. Oui, la cellule terroriste de Verviers, c'est en quelque sorte le brouillon du commando de Paris. Cette cellule a été démantelée début 2015 après un assaut de la police. Le groupe pensait déjà un attentat à l'aéroport de Zaventem. La tête pensante du commando, c'est un certain Abdelhamid Abaoud. Le tribunal correctionnel a jugé 16 prévenus au total pour appartenance à un groupe terroriste. 6 d'entre eux seulement sont présents au procès. Les peines prononcées vont de 2 ans et demi jusqu'à 16 ans de prison. Pour Xavier Carrette, l'avocat de Foued El Abdi, l'un des prévenus, les juges ont été sévères, influencés par les événements de Paris et de Bruxelles. Manifestement, Paris et Bruxelles ont énormément impressionné, je crois, les magistrats, et donc ils montent dans les tours au niveau des peines. Mon sentiment, c'est qu'à vouloir faire de la justice pour l'exemple, c'est certainement pas une bonne justice et c'est pas ça qui va arrêter les choses. Depuis ce qui s'est passé, je crois que c'est des réactions humaines. Le problème, c'est que la justice, c'est évidemment une justice d'hommes, mais c'est avant tout des juges. Et les juges doivent pouvoir être objectifs par rapport aux choses et ne pas réagir subjectivement ou par réaction par rapport aux choses. Pour vous, la figure d'Abdelhamid Abaoud, elle a pesé sur ce procès? Énormément. Trop pesé. En fait, ils auraient aimé pouvoir le juger. Ils ne le jugent pas. Et donc, on en parle. On a vraiment alimenté pour apporter une chape de plomb sur cette affaire et finalement arriver à la sanction qu'on connaît, c'est-à-dire 16 ans de prison. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'on n'a jamais entendu ici à Bruxelles. Hein. Des propos recueillis par Fabrice Gérard. En France, la commission d'enquête sur les attentats de Paris a remis son rapport. À l'intérieur de ce rapport, 40 recommandations pour éviter de nouvelles failles dans les services de renseignement ou pour que les services d'urgence fonctionnent le mieux possible. Du côté des associations des victimes, Patrick Michel, c'est toujours la méfiance qui prévaut. Alors ce que craignent avant tout les représentants des victimes, c'est que les principales recommandations de la commission d'enquête ne soient pas suivies d'effet. Car en 2011, déjà après l'affaire Mera à Toulouse, puis en 2015, après les attentats de janvier à Charlie Hebdo, la défaillance des services de renseignement avait déjà été pointée du doigt. Mais au final, rien n'a bougé sur le terrain. Pour les victimes, Emmanuel Domenac réclame un véritable changement. Si c'est juste pour nous rassurer et nous avoir fait venir pour être sur la photo avec vous, ça ne vaut pas le coup. Donc, quand vous entendez M. Fenech dire qu'à l'étranger, personne n'est capable de citer leur interlocuteur français pour le terrorisme, ça en dit long. On a beau jeu de critiquer les Belges à longueur de journée, si nous-mêmes, on n'est pas capable de proposer l'organisation qu'il faut à l'étranger. Parmi les 40 recommandations de la Commission, pointons la création d'une véritable agence nationale de lutte contre le terrorisme placée sous la direction du Premier ministre. Elle chapeauterait l'ensemble des services. Mais pour Georges Fenech, président de la Commission, la réponse ne peut venir uniquement des Français. Nous avons tout intérêt à ce que Europol devienne une véritable agence du renseignement, que les fichiers SIS2 soit alimenté par tout le monde et alimenté correctement. S'il l'avait été, on n'aurait pas eu la fuite d'Abdeslam, on n'aurait pas eu la fuite d'Abaoud à Athènes. Donc il y a encore un grand chemin à parcourir. C'est désormais au gouvernement à se saisir du contenu du rapport pour le traduire en texte de loi. Les explications de Patrick Michal. En bref, l'hygiène dans les restaurants s'améliore chez nous. L'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire, a effectué plus de 120 000 contrôles l'an passé. En moyenne, 6 établissements sur 10 étaient OK. Mention spéciale pour les cafés. Les résultats s'améliorent pour les restaurants et les cantines des écoles. Par contre, les mauvais élèves sont les vendeurs de pita. Vivacité, il est 17h09. Les averses de grêle du mois de juin, elles ont des conséquences plutôt inattendues. Les livraisons de voitures neuves ont du retard. Et vous vous demandez pourquoi? C'est simple. Les voitures neuves ont été endommagées, plein de bosses sur la carrosserie à cause de la grêle. Mais les concessionnaires ont trouvé la parade pour que le futur acheteur ne se rende compte de rien et au final ne se sente pas lésé. Écoutez les explications de Pierre Mazy, expert automobile. Il s'agit du débosselage sans peinture. Ce sont des tauliers spécialisés qui s'occupent de ce genre de travaux. C'est une technique qui a fait ses preuves et qui surtout n'abîme pas le véhicule. Il n'y a pas de dommages ni de repeinture, donc on n'a pas de traces de réparation. En fait, il n'y a pas d'éclatement de peinture. C'est ça la spécificité de la grêle, c'est qu'il n'y a aucun éclatement de peinture. Donc le taulier remet la tôle en forme sans échauffement. C'est assez impressionnant à voir, mais on ne voit plus rien du tout. Et donc, du coup, les concessionnaires peuvent vendre les véhicules sans en avertir le futur acheteur. Bien sûr, parce que même parfois, le concessionnaire peut ne pas être mis au courant de véhicules qui auraient été grêlés sur le parc du constructeur. Des propos recueillis par Thierry Van Gulik. C'est le début des grandes vacances et c'est l'heure des camps scouts pour donc de nombreux jeunes. C'est aussi l'heure des formations pour 300 personnes qui veulent devenir chef scout. Ces personnes sont réunies près de Namur cette semaine. Le programme est très varié, comme a pu se rendre compte Coralie Sambon qui est allée à leur rencontre. As-tu vu la vache? La vache aux yeux bleus. Matinée musicale pour ces apprentis chefs scouts âgés de 18 à 23 ans. C'est dans le jardin du château de Courrières qu'ils apprennent à devenir de bons animateurs. On a créé une petite histoire avec des mots imaginés. Et suite à ça, on a dû créer un jeu avec le contexte de l'histoire qu'on a créé. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Et ça se passe bien, ça marche ce jeu? Pour l'instant, ça a l'air d'aller, ils s'amusent bien, donc je suppose que oui, mais on n'a pas encore fini, donc on verra après. Organisation d'une veillée, création d'enjeux, gestion de groupe, transmission des valeurs scouts, autant d'activités indispensables au bon déroulement d'un camp. La formation d'animateur n'est pas obligatoire, mais elle est vivement recommandée. Adrien Mauguenet, porte-parole de la Fédération. Elle permet vraiment une amélioration de la qualité de l'animation dans les groupes. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'en 3 ou 4 jours, on a vraiment un groupe qui se forme avec un réel esprit de groupe et des gens qui vont garder des contacts après. Et ça, c'est très précieux aussi pour faire vivre le mouvement et pour faire prendre conscience aux animateurs que ce qu'ils vivent chez eux n'est peut-être pas toujours la seule manière de faire du scoutisme et que d'autres ont peut-être une autre manière de faire. À la fin de ces 4 jours de formation, les jeunes rejoindront leur camp respectif. Ils pourront directement mettre en application ce qu'ils ont appris durant ce stage. Et à 17h12, un mariage entre un géant et un petit poussé dans le monde des universités francophones. Et oui, l'UCL et Saint-Louis veulent fusionner. Le géant, c'est l'UCL et ses 30 000 étudiants. Le petit poussé, c'est Saint-Louis qui en compte 3500 seulement. Les fiançailles ont été officiellement annoncées hier. Objectif, aboutir au mariage pour septembre 2017. L'objectif des deux institutions, c'est de tirer profit des atouts de chacun. Pour Vincent Blondel, recteur de l'UCL, l'objectif n'est donc pas de faire des économies. Oui, il n'est pas question de rationalisation ici. Les deux universités sont des universités absolument en scène. Elles sont toutes les deux en croissance. Et donc, c'est vraiment de mettre les forces ensemble pour une offre d'enseignement cohérente, bien pensée, ambitieuse en Fédération de Bruxelles. Et nous espérons vraiment qu'un grand nombre d'étudiants vont pouvoir en bénéficier. Du point de vue de l'UCL, de votre point de vue, qu'est-ce que Saint-Louis peut vous apporter ? Oh, il y a un grand nombre de traditions, d'usages, comme par exemple le fait d'organiser des formations multilingues. Il y a une grande expertise en études européennes. Il y a le fait aussi que nous avons hébergé à l'UCL et à l'Université Saint-Louis les traducteurs-interprètes qui sont issus de Mariaps. Et donc, ils vont se retrouver par cette fusion de nouveau dans un cadre commun. Donc, il y a un grand nombre d'expertises qui sont présentes à Saint-Louis et qui vont pouvoir aussi être bénéfiques pour l'UCL. Une interview réalisée par Jérôme Durand. Et on passe au sport, en cyclisme. Au Tour de France, vous l'avez entendu sur Vivacité, c'était la dernière étape destinée aux sprinteurs avant la montagne. 237,5 km entre Saumur et Limoges, la plus longue du Tour. Samuel Grulois, vous êtes notre envoyé spécial, bonjour. Bonjour Simon. Oui, bonjour Samuel. Donc vous nous avez fait vivre il y a quelques instants en direct l'arrivée. Et c'est Marcel Kittel qui l'a emporté il y a quelques minutes. Oui, comme hier, les commissaires ont eu du boulot à l'arrivée, car comme hier, ils ont dû analyser à la loupe la photo finish pour départager les deux premiers, le colosse allemand Kittel et le puncher lilliputien français Brian Cocker, qui a réalisé 50 derniers mètres de folie pour remonter Peter Sagan et échouer à quelques millimètres. On parle ici de millimètres pour échouer à quelques millimètres de Marcel Kittel. Comme hier, il y a eu un moment de flottement dans la zone d'arrivée et un réel soulagement visible sur le visage du vainqueur au moment où est tombé le verdict, car ce vainqueur, l'Allemand Marcel Kittel, a galéré pendant toute l'année 2015 avant de bénéficier d'un beau transfert au sein de l'équipe Etix Quickstep, où il a dû non pas faire ses preuves mais prouver que ce transfert était justifié, que son gros salaire était justifié, etc., etc. Il l'a prouvé aujourd'hui après trois échecs consécutifs lors des trois premières étapes. Il approuve aujourd'hui qu'il était toujours l'un des meilleurs sprinteurs du monde, ce dont on n'a jamais douté. Évidemment, à 28 ans, Marcel Kittel remporte donc la 9e victoire d'étape de sa carrière sur le Tour de France. Il est encore loin de Mark Cavendish et de ses 28 succès, mais il est un petit peu plus jeune, Marcel Kittel. Il a encore donc de la marge. Il s'impose devant Cocard, 3e Sagan, 4e Groenewegen, 5e Christophe. Peter Sagan conserve et renforce même son maillot jaune grâce à 4 secondes de bonification. Il devance désormais au général Alaphilippe et Valverde demain, direction le Cantal et le Lioran. Merci à Samuel Grulois en direct du Tour. Donc dernière étape, c'était la dernière étape destinée aux sprinters. On passe donc à la montagne demain. Et on passe à un anniversaire maintenant. Deux petits bouts de tissu qui fêtent aujourd'hui leurs 70 ans. Deux petits bouts de tissu qui ont révolutionné la mode. J'ai nommé le bikini. Nous sommes le 5 juillet 1946. Le bikini est présenté pour la première fois lors d'un défilé de mode à Paris. Il a donc tout juste 70 ans aujourd'hui, mais il a mis quelques années pour s'imposer, Lionel de Neubourg. 1946, les États-Unis mènent des essais atomiques sur l'atoll de Bikini dans le Pacifique. Quelques jours plus tard, Louis Réard, un ingénieur automobile, lance sa bombe anatomique. Ces belles filles exhibent des costumes de bain devant un public et un jury qui s'intéressent plus au contenu qu'au contenant. En 1946, Madame Latour avait 20 ans, jamais au grand jamais, elle n'aurait osé le bikini. Non, parce que vis-à-vis de notre famille, de nos parents, on avait cette tenue, un peu cette gêne. Pas plus pour Madame Caudron, 17 ans à l'époque. Tu aurais osé te mettre ? Ah, moi non plus. Ah non. Parfum de scandale pour ces quelques centimètres carrés, il faudra attendre le milieu des années 50. Le soleil. Et une certaine Brigitte Bardot pour imposer le deux pièces. Je m'habillais comme Brigitte, je me coiffais comme Brigitte, ça c'est vrai. J'ai beaucoup aimé Brigitte Bardot. Madame Bertrand, 76 ans. Je me suis toujours habillée comme elle, coiffée comme elle, c'est vrai. La révolution bikini est en marche. Madame Février, 73 ans. On prenait même des petits bains de soleil dans son jardin. Ça faisait jaser, le voisin est monté sur son toit pour regarder. Voilà le bikini qui a donc 70 ans aujourd'hui. Lucas Correa, le bikini, ça vous évoque quoi ? Ah bah que du bien, que du plaisir et que de la beauté. Enfin ça dépend chez qui après tout. Hein. Non, ça se porte très bien et chez tout le monde. Donc profitez-en, allez-y, c'est l'été. Hein. Faites aller votre corps et faites-vous plaisir tout simplement. Merci Simon Gérard, il est 17h17. Les soldes XXL sur Krefel.be. Commandez en ligne avant 22h30, c'est livré chez vous dès demain. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Et avant de commencer le 5 à 7 d'aujourd'hui, on jette un œil sur vos conditions de circulation aux côtés d'Antoine Binamé. Bonjour. Bonjour, on commence avec une bonne nouvelle. Chaussée dégagée sur le 403 Bruche-Tournay à hauteur de Templeuve. Les fils se résorbent en direction de Tournay. Un accident s'est produit sur la N64, oui, à nu à hauteur de Brève. Circulation en alternance sur une seule voie dans les deux directions. Un accident sur le 40 qui relie Gand à Bruxelles à hauteur de Wetteren. Bande de gauche neutralisée, ralentissement évidemment. Au niveau du ring de la capitale, circulation extérieure, Grand Bigard au titre plus 20 minutes. Circulation intérieure au titre Grand Bigard plus 10 minutes. Et si vous quittez Bruxelles via le 40 dans l'autre sens vers Gand, à hauteur de Ternat, un accident s'est là aussi produit. Bande de gauche neutralisée, défile depuis Grand Bigard, 15 minutes perdues en direction de Gand. Votre voiture est en morceaux à Tirlemont ? Etias est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vivacité La Une présente le Vaurire, le Festival International du Rire de Liège, du 20 au 23 octobre. 4 jours, 14 salles, avec Valérie Lemercier, le Whoop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud Samer et Renaud Rutten, Claudia Tagbo, les Frères Taloche et beaucoup d'autres. Infos et réservations, vaurire.be. Faire la crêpe, ou mangez des crêpes. Lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Allez, prêt pour un marathon de soldes ? Chez Decathlon et sur decathlon.be, le sport est plus facile avec des soldes pour tous les sportifs. Decathlon, à fond la forme. Bienvenue chez EY, anciennement Ernst & Young. Suivez-moi. EY forme des athlètes d'entreprise. Nous développons des arguments convaincants qui sont parfois décochés selon un angle surprenant. Pour chaque dossier, nous plongeons au fond des choses. Quelle que soit la discipline pratiquée, innovation, big data, IT, cybersécurité, nous visons toujours dans le mille. Alors, prêt pour ton premier jour? Surfez sur ey.com/be pour débuter une carrière de haut niveau. EY, sponsor dynamique du Team Belgium. Soir Mag présente Quiz Belgique. 4 livres pour tester votre culture belge. Des centaines de questions pour s'amuser ou rafraîchir ses connaissances. De la panne à Virton, d'Ambiorix à Albert II, d'Eddy Merckx à Justine Hénin. Redécouvrez la Belgique. Ce mercredi, premier volume, La Belle Histoire, au prix de 4,90€ seulement. Soir Mag. Tout le monde s'y retrouve. Vous en rêvez ? Les meubles César le font. Les meilleurs soldes de toute la région. Du salon épuré et design aux articles déco, les soldes aux meubles César, incomparables. Meubles César. Intimistère Clermont est sur césarmeubles.be. Besoin d'un bon matelas ? Pour les soldes, une seule adresse, Literie Jehas à Liège. De moins 15 à moins 50% sur tous nos matelas et livraison gratuite. Literie Jehas, l'incontournable maison de confiance, rue Jean d'Outremeuse 35 à Liège. Massive est devenue Light Gallery. Profitez de remises de moins 30, moins 50 et même moins 70% sur une grande sélection de luminaires. Rendez-vous dans votre magasin à Liège, rue Danse ou sur lightgallery.com. Light Gallery, votre spécialiste en éclairage. Connaissez-vous la boucherie ? C'est l'endroit idéal pour trouver les meilleures viandes, des salaisons raffinées et des plats préparés de grande qualité. La boucherie, rue des Dominicains et Saint-Paul à Liège et en Mougny à Ouï, près de la Grand Place. Le commerce autrement. Localisie.com. Le 5 à 7 de Vivacité avec Lucas Correa. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Vivacité. J'espère que vous avez passé une bonne journée de travail ou de vacances. C'est selon. En tout cas, nous, on est là pour travailler pour vous et vous apprendre plein de petits trucs qui se sont passés aujourd'hui. D'abord, on va repartir un petit peu dans le temps. C'était il y a 20 ans. Vous vous souvenez d'une brebis dont on avait beaucoup parlé à l'époque. En Écosse, il y a eu le premier clonage de Dolly. Alors, sachez qu'aujourd'hui, ce procédé continue d'évoluer. Il est même toujours d'actualité. Une question se pose néanmoins. Est-ce qu'on mange de la viande clonée ? Parce qu'il n'y a plus que les brebis maintenant. Il y a aussi les vaches, il y a aussi les porcs. Tous les animaux sont concernés, mais nous, en quoi on est concernés ? Est-ce que c'est dangereux pour nous ? Nous aurons un spécialiste au téléphone d'ici quelques instants pour nous en parler. Et puis, qui dit été, dit festival, dit concert. On aime bien aller voir des artistes qu'on adule comme ça sur plusieurs scènes. Et on ne peut pas s'empêcher de prendre une petite photo, d'essayer de faire un selfie sur place ou encore de filmer ces très bons moments. Et bien, bientôt, pour les utilisateurs d'Apple, ça risque de ne plus être permis, car une technique devrait permettre aux salles de concert d'empêcher les spectateurs de prendre des photos ou de filmer avec leur iPhone. Enfin bon, on va voir si c'est possible. Restez avec nous sur Vivacité pour en savoir plus. Je vous le disais, petit voyage dans le temps. À présent, souvenez-vous, c'était il y a 20 ans. On a beaucoup parlé de Dolly. Alors, qui c'est Dolly ? C'est une chèvre, ça, non ? Non, c'est une brebis. On en a beaucoup parlé. Pourquoi ? Parce que ça a été le premier animal à avoir été cloné à partir d'une cellule adulte. Alors, depuis 20 ans, dans plusieurs régions du monde, le clonage des animaux dans l'agriculture est couramment pratiqué. En Europe, pour l'instant, visiblement, c'est non. Mais Isabelle Donnet est avec nous. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Vous êtes professeur de physiologie et de biotechnologie animale à l'UCL. Alors, le clonage comme ça pour ces animaux, c'est quand même une technologie assez lourde. On peut dire que, par exemple, pour Dolly, la vie n'était pas vraiment rose. Oui, ça c'est difficile à dire. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que la technique, à l'époque en tout cas, n'était pas du tout au point. Elle était totalement expérimentale. Et avant d'arriver à produire Dolly, il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup de fœtus anormaux. Et on peut dire aussi que, en tout cas dans les espèces où c'est plus couramment pratiqué, on a pu améliorer la technique de telle manière à réduire les problèmes, que ce soit pendant la gestation ou après la naissance. Maintenant, il est sûr qu'il y a encore un certain nombre de fœtus qui meurent pendant la gestation ou qui meurent peu après la naissance à cause d'anomalies du développement liées à la technique utilisée, même si des progrès ont été faits à ce niveau-là. Et est-ce que c'est principalement pour le bien-être animal qu'en Europe, on s'oppose quasiment totalement à cette pratique ? Alors, on s'y oppose dans le cadre, effectivement, des animaux destinés à la consommation humaine. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour les chevaux ou éventuellement les animaux domestiques de compagnie, où il n'y a pas la même interdiction. La raison est sans doute, en partie, en tout cas, un problème de bien-être, puisque la technique n'est pas encore maîtrisée totalement. Il y a aussi un problème de traçabilité, puisque le consommateur a le droit de savoir ce qu'il mange, et donc il est impossible à l'heure actuelle de faire la différence entre le lait ou la viande d'un animal cloné. Donc peut-être qu'on en consomme l'original. Déjà. Peut-être qu'on en consomme déjà sans le savoir. C'est peu probable, d'abord parce qu'il n'y en a pas tellement sur le marché, qu'il y a une traçabilité basée sur l'origine des animaux. Donc lorsque c'est de la viande ou des produits dérivés importés, il y a quand même un contrôle sur l'origine, l'élevage d'origine par exemple, mais on ne peut pas l'exclure effectivement. Mais je pense qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup de produits issus d'animaux clonés qu'on va trouver sur le marché, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres pays où c'est accepté et autorisé, notamment dans les pays asiatiques. Et ça n'a aucun dommage sur la santé de l'homme, ça, par exemple ? Alors, il n'y a pas de risque pour la santé de l'homme, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'animaux modifiés génétiquement. Mmh. Donc, ils sont génétiquement identiques à l'original. Donc, il n'y a pas de nouvelles protéines, de nouvelles molécules qui sont produites. Et donc, il n'y a aucune différence au niveau de la qualité des produits. Et donc, pas de risque supplémentaire pour la santé du consommateur. Donc, ça avance bien, mais visiblement, il y a encore pas mal de progrès à faire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. Isabelle Donnet, vous êtes donc professeure de physiologie et de biotechnologie animale à l'UCL. Dans cette émission 5 à 7 sur Vivacité, comme tous les jours, nous avons un fil rouge. Et là, je dois dire que c'est assez malsain, mais ça m'a fait beaucoup rire. Vous avez peut-être vu passer cette vidéo sur Internet, une émission polonaise, une émission télévisée, dans laquelle il y a un magicien. Un magicien propose un tour de magie avec des clous cachés par des sacs plastiques et propose à l'animatrice de taper sa main sur ces sacs. Est-ce que le clou est en dessous ou est-ce qu'il n'y est plus ? Eh bien, c'est tout l'intérêt du tour de magie. Je vous donne un aperçu. Est-ce qu'il y était le clou ou est-ce qu'il n'y était plus ? Awa. Awa en polonais, visiblement, ça veut dire aïe aïe aïe, parce que oui, visiblement, le tour a foiré, comme on dit. Le magicien était très mal à l'aise. Allez voir cette vidéo, d'ailleurs, je crois qu'on l'a mis sur la page Facebook du 5 à 7. Hein. Vous pouvez aller voir et aller surtout la commenter. La tête de l'animatrice va avec la voix que vous avez entendue. Donc la question se pose, à vous, quelle est votre pire petite gaffe, votre bêtise, votre maladresse, où ça a pu être embarrassant, par exemple, je sais pas, ça nous arrive à tous, hein. On marche dans la rue avec son smartphone et on se prend un piqué, par exemple, dans la rue. Qu'est-ce qui est arrivé également ? C'est la fameuse histoire du sel et du sucre. Vous faites un joli gâteau, vous mettez des heures à le préparer. Finalement, on a remplacé le sel par le sucre. S'asseoir à côté de sa chaise. On a aussi, ça j'entends plus souvent qu'on ne le pense, utiliser des lingettes nettoyantes à la place des lingettes hygiéniques aux toilettes. Croyez, ça a l'air visiblement de faire mal. C'est ce qu'on appelle des petites maladresses. Donc n'hésitez pas à communiquer les vôtres. Vous venez ici sur l'antenne, on en rigole ou bien ça vous remémore peut-être ce mauvais souvenir, mais qui peut se révéler aussi un bon conseil pour les autres. Vous envoyez tout ça par SMS dès maintenant au 3063. Puis je vous rappelle aussi la page Facebook du 5 à 7. N'hésitez pas à déposer vos commentaires et vos témoignages aussi sur cette page. Vous likez aussi tous les petits sujets qu'on va vous mettre durant toute l'émission, puisque nous sommes ensemble, comme son nom l'indique, jusque 19h sur Viva. Un projet pour vos aménagements extérieurs cet été ? Une terrasse, une cour ou des allées ? Chez Big Mat cette semaine, une super offre pour des pavés béton à 10,95€ du mètre carré. Mouais. Mais 10,95€ pour un pavé 15 par 15 en 6 cm d'épaisseur, c'est rare. Et si en plus cette promo est valable sur tous les coloris disponibles, c'est dément. Votre Big Mat doyen à Serein, rue du Charbonnage. Le meilleur prix, qualité comprise. Retrouvez cette promo et bien plus encore sur bigmat-doyen.be. On ira tous au paradis du matelas. Maintenant, moins 50%. Paradis du matelas à l'heure, en face du McDonald's. Je suis en train de découvrir les conditions soldes des meubles Rigaud avisés. Et je peux vous dire que ce ne sont pas les petites remises qu'ils vous préparent. Meubles Rigaud. Ah non, désolé, je peux pas vous en dire plus à la radio. Mais si vous passez à viser, vous saurez tout. Excusez-moi, vous pensez quoi du Brexit ? C'est génial, j'ai craqué. Ah, et vous avez craqué pourquoi ? Eh ben pour un break Mercedes classé. Noir, Gentalu, Airco, automatique, contrôlé et garanti par Mercedes et tout pour moins de 18 000 euros. C'est génial, non ? Les breaks qui font un hit cet été sont chez Nearly New Car. Faites vite votre choix sur nnc.be. Nearly New Car. Bye Mercedes-Benz. Les vrais breaks hit sont sur nnc.be. Il y a déjà un break Mercedes classé d'occasion récente à partir de 17 999 euros. Nearly New Car. Bye Mercedes-Benz. Vous écoutez Vivacité, il est 17h30, voici les titres de l'actualité avec Simon Gérard. Jusqu'à 16 ans de prison pour les membres de la cellule terroriste de Verviers. Le tribunal correctionnel de Bruxelles a rendu son jugement cet après-midi. 16 prévenus ont été condamnés pour appartenance à un groupe terroriste. La commission terrorisme de Paris a, elle, remis son rapport. 40 propositions pour lutter contre le terrorisme. La commission propose notamment de réformer les services de renseignement. En cyclisme, Marcel Kittel a remporté la 4e étape du Tour de France. Il y a un peu moins d'une demi-heure. C'était l'étape la plus longue du Tour, 237,5 km, une étape dessinée pour les sprinteurs. Demain, on passe à la montagne. Enfin, le bikini a 70 ans aujourd'hui. Il est né lors d'un défilé le 5 juillet 1946 et il a reçu un accueil plutôt froid à l'époque. Nous le verrons dans le journal de 18h. Merci Simon Gérard. Bah justement, en parlant de bikini et de chaleur, qu'en est-il de la météo, Dominique ? Oui, t'as 13 degrés pour la nuit prochaine avec un retour à un temps sec et un vent qui va se calmer. Pour le reste de la semaine, amélioration en vue, le temps deviendra globalement sec partout, le ciel, le soleil va se montrer plus généreux, le ciel sera bleu, on l'espère aussi, au fil des jours et aux côtés des températures, on partira de 17 à 21 degrés demain pour culminer vers 25 degrés samedi. Allez, de bonnes nouvelles, donc on va voir si on a aussi des bonnes nouvelles sur la route. Aux côtés d'Antoine Binamé. Oui, puisqu'on commence avec une chaussée dégagée sur le 40 Gand, Bruxelles à hauteur de Wetteren. Bande de gauche libérée donc en direction de la capitale. Toujours quelques ralentissements sur le ring à cette heure-ci, mais c'est assez calme tout de même. Circulation extérieure, Grand Bigard au titre, plus 15 minutes. Circulation intérieure au titre, Grand Bigard, plus 10 minutes. Toujours un accident par contre sur le 40 Bruxelles-Gand à hauteur de Ternat. Bande de gauche neutralisée, défile depuis Grand Bigard, plus 15 minutes en direction de Gand. Votre voiture est en morceaux à Tirlemont ? Etias, c'est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. Et on vous parle d'un tout nouveau rendez-vous sportif et familial. Vous le savez, le beau vélo de Ravel a été lancé. Et là, il s'agit de la nuit du Ravel, un événement qui s'adresse à toute la famille pour des petites balades en vélo, en boucle de Namur à Namur, avec des étapes dans différentes attractions touristiques. Un événement qui se tiendra le 20 juillet, donc au départ de Namur, je vous le disais. Il y aura une halte à Floreffe, à Fosse-la-Ville, à Maretsu, au musée de la fraise de Wépion, avant de revenir à Namur, à l'auberge jeunesse. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la nuitduravel.be. Ça vous permet de vous y inscrire pour participer, c'est vraiment obligatoire. Donc inscrivez-vous bien à l'avance car les places sont limitées et payantes. Soyez au rendez-vous. On vous en reparlera évidemment sur Viva de cet événement. Cuisine Créfelle. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 30% sur toutes les cuisines sur mesure. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Et vous, vous êtes déjà passé chez Casa ? Tous les articles soldés, jusqu'à moins 70%. Premier arrivé, premier servi. Casa, maison joyeuse, maison heureuse. Le beau vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez l'étape Toupet comme si vous y aviez participé. Avec des milliers de beaux héros du Ravel, escortés par le régional Martin Charlier alias Kiki l'Innocent. Au programme également, ce week-end de finale de l'Euro 2016, du foot avec les animations de l'ADEPS. Ce dimanche après-midi sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Vivacité et la Une présente du 10 juin au 10 juillet. Toutes les rencontres des Diables Rouges. Sur écran géant au Standard de Liège à Sclessin. Un stade mythique. 10 000 places debout. En plein air. Animation DJ. Écran géant de 40 mètres carrés. Grand parking et animations diverses. Plus d'infos sur la page Facebook Eurocafé 2016. Avec Circus, Ergo et la Meuse. Les meilleurs soldes. Chez Electro-Rouard à Verlaine, bien sûr. Des prix imbattables en électroménager, TV, Hi-Fi. Des prix massacrés dans les plus grandes marques, mais toujours un service irréprochable. Les vrais soldes vous attendent chez Electro-Rouard, Grand Route à Verlaine. Surfez sur electrorouard.be. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Des voyages extraordinaires où les couleurs, les matières et les idées vous emportent loin. Il y a des soldes qu'on ne louperait pour rien au monde. Il y a Imagine, près de chez vous, à Neupré. Des soldes sur l'ameublement qui valent vraiment le voyage. C'est chez Imagine, 132 route du Condroit à Neupré, ouvert même le dimanche. www.imagine.be. Vivacité présente Autopia, le monde aux enfants. Découvrez cet été une immense plaine de jeux avec un toboggan de 30 mètres de long, un nouveau parcours équilibre, des structures gonflables et des activités inédites sur les trucs bizarres et un peu cracra du corps humain. Programme spécial pour les groupes avec la Loterie Nationale et la Province de Luxembourg. 17h, 19h, 5 à 7. Vivacité. Merci d'être avec nous, le 5 à 7 se poursuit, on parle de musique d'ici quelques instants, de concert précisément et de technologie. Bah oui, ça nous arrive à tous quand on est en train de regarder notre artiste préféré, de vouloir le photographier, quoi de plus normal, ou encore de le filmer. Bah sachez que visiblement ça dérange certains artistes et donc Apple a décidé de bloquer l'accès au smartphone pendant certains concerts. C'est une option qui devrait être disponible dans plusieurs salles de spectacle, enfin en tout cas ils pourront y souscrire, on va voir comment c'est possible. Et si vraiment ça va se faire, parce que bon, ça risque d'ennuyer quand même beaucoup de monde. Et puis on a lancé un fil rouge tout à l'heure en début d'émission avec cette sale histoire. Hein. Un magicien en Pologne faisait un tour de magie avec l'animatrice, avec des clous. Il propose à l'animatrice de taper sur un sac. Normalement, le clou devait avoir disparu. Eh ben non, le clou y était toujours et l'animatrice a vraiment eu très mal. Donc on vous a posé la question, quelles sont vos petites mésaventures à vous, vos petites gaffes, vos petites bêtises qui auraient pu peut-être parfois vous faire mal. On a Nancy qui est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour Nancy. Bonjour Lucas. Vous êtes de Houillé, c'est ça? Oui. Bon, oui. Qu'est-ce qui s'est passé à Houillé, cette petite maladresse? Dites-nous tout. Bon, ben, j'étais à mon premier cours de manutention. Mmh. Donc, on s'exerce entre élèves avec la professeure pour apprendre à manipuler les personnes sans leur faire mal. Et donc, je suis tombée avec la professeure et il fallait que je la mette du lit dans la chaise roulante et... tout s'est bien passé jusqu'au moment où j'ai voulu la déposer sur le fauteuil et j'avais oublié de mettre les freins. Ah voilà, donc la professeure a roulé, comme on dit, il n'y avait pas d'escalier au moins. On est arrivé toutes les deux à quatre pattes. Quoi. Bon, voilà. Ça va, plus de peur que de mal. Et vous avez raté votre année, maintenant vous faites autre chose, c'est non, ça non, non. Bon, ils ont été gentils avec vous alors, ils ont été bien gentils. Bon, ça va, ça a pas mal fini, tout va bien, tout le monde était en un seul morceau, si oui, je puis dire. Oui, oui, on a bien rigolé. Quoi. Bon, magnifique, si c'est l'occasion, je vous remercie d'avoir partagé ce petit souvenir avec nous, Nancy, du côté de Houillé. Vous aussi venez sur l'antenne de Vivacité pour parler de ces petites bêtises qui vous font rire après coup, comme on dit, au 3063. Envoyez vos SMS ou via Facebook sur la page du 5 à 7. 5 à 7. Et il est temps de retrouver notre petite bulle sportive aux côtés de François Zaleski. Bonjour François. Salut Lucas. Alors, c'est une habitude, on la perpétue donc, même quand il n'y a pas de match, on se fait la petite gazette de l'Euro, tout simplement, avec cette question, que font les joueurs qui sont éliminés? Eh bien, ça varie évidemment, même si pour la plupart, ils essayent de prendre du bon temps après s'être bien dépensés. Lise vous le disait hier, Jan Vertonghen, lui, il a l'intention de participer au festival Rockwerther. Mmh. Apprécieront ceux qui voudront, puisque ce n'était pas trop le bienvenu, cette petite remarque après l'élimination, mais la plupart départ des autres joueurs éliminés, bah, sans grande surprise, ils partent en vacances, Lucas, Dubaï, les plages mexicaines et d'autres destinations plutôt sympas appréciées par la Jet Set comme Bali par exemple. C'est là que le défenseur central de l'Angleterre, Chris Smalling, a décidé d'aller passer du bon temps. Pas de bol, première destination pour lui sur place, les urgences de l'hôpital de Bali. Apparemment, il aurait été victime d'une intoxication alimentaire, sauf qu'on a vu des photos de lui à l'hôpital. Hein, vous savez, il y a des paparazzis partout maintenant avec les smartphones. Et il avait des blessures assez impressionnantes quand même au niveau de l'arcade sourcilière, sur le cou aussi, sur la main gauche. Donc certains pensent plutôt qu'il aurait eu un accident de surf dû à une mauvaise vague. Cela dit, lui explique plutôt ses blessures à une chute qui aurait suivi cette intoxication alimentaire. Il se serait senti pas bien et serait tombé inanimé. On ne sait pas quelle est la vraie version, on ne le saura sans doute jamais. Bref, il a commencé ses vacances aux urgences, même si là, d'après ce qu'on nous dit, ça va mieux pour le joueur de Manchester United. Et puis, on parle de ceux qui sont partis prématurément. Il y a aussi ceux qui sont restés alors qu'ils ne s'y attendaient pas. C'est le cas des joueurs comme par exemple Islandais. Maintenant, ils sont partis, mais ils sont restés beaucoup plus longtemps que ce qu'ils avaient prévu en France. Et du côté gallois aussi, d'ailleurs, il y a des joueurs dans ce cas-là. C'est le cas du défenseur Neil Taylor. Lui, il avait déjà dû renoncer au concert de Beyoncé. Pas très ambitieux, le garçon, puisque ce concert avait quand même lieu avant le quart de finale contre la Belgique. Il imaginait donc être éliminé sans doute dès les huitièmes de finale. Son équipe a quand même passé deux tours de plus, mais il y a pire hein, dans cette équipe-là. Il y a Joe Ledley, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, le défenseur du Pays de Galles, c'est celui qui ressemble à un Islandais, il a une grande barbe, voilà, ça c'est Joe Ledley. Eh bien, lui, il avait programmé son mariage carrément samedi à Ibiza, et il va annuler ce mariage. Alors vous me direz, si le Pays de Galles est éliminé demain soir contre le Portugal, il aurait quand même le temps d'aller jusqu'à Ibiza. C'est vrai, mais il a quand même aussi une chance de se qualifier pour la finale. Et donc, ce serait pas de bol. Ce serait dimanche, donc on ne va pas annuler au dernier moment. On annule dès maintenant. Et puis surtout, même si le Pays de Galles est éliminé, il l'a déjà dit, il veut participer aux célébrations, aux hommages que la population galloise va rendre à son équipe nationale. Et ça, c'est prévu vendredi. Il préfère donc reporter. Par contre, son coéquipier Chris Gunter, lui, sera bien présent au mariage de son frère samedi. Pourtant, ça se passe au Mexique. C'est encore plus loin qu'Ibiza. Gunter a été choisi comme témoin par le frangin. Il a annoncé qu'il remplirait bien sa mission, mais il va faire un Skype. Il va évidemment pas aller jusqu'au Mexique. On imagine que sa famille ne lui en tiendra pas rigueur. Et si vous voulez mon avis, je pense qu'il va même voler un petit peu la vedette à son frangin. Et tant qu'on parle de famille, justement, l'UEFA n'apprécie pas trop que les joueurs fassent monter leurs enfants sur le terrain, visiblement. Oui, on a vu pas mal d'images de joueurs qui vont chercher leur fils, leur fille dans les tribunes pour partager ce moment avec eux. C'est tout sympa. Gareth Bale l'a d'ailleurs fait avec sa petite fille aussi sur la pelouse du Parc des Princes après la qualification pour les quarts de finale. Eh bien, aujourd'hui, un des membres éminents de l'UEFA a déclaré que c'était mignon de voir des enfants jouer sur la pelouse, mais que l'Euro, ce n'était pas non plus une fête de famille. Il a précisé que l'UEFA n'était pas 100% contre, mais qu'à partir du moment où ses enfants sont sur la pelouse, c'est l'UEFA qui est responsable de leur sécurité. Donc mignon ou imprudent, les enfants qui gambadent sur la pelouse, chacun se fera son opinion. Et enfin, pour les demi-finales et la finale de l'Euro, il ne reste plus de place, mais on peut commencer déjà à économiser pour la prochaine grande compétition, et ça, ce sera le Mondial en Russie. Oui, les billets ne sont pas encore en vente, on pourra les acheter après la Coupe des Confédérations, mais on connaît leur prix depuis ce mardi, et si vous voulez assister à un match de groupe à la Coupe du Monde en Russie, il faudra compter 95€ pour la place la moins chère. Il y aura aussi des places à 18€, mais elles sont réservées pour les résidents russes. 95€, c'est quand même 30% plus cher que pour la même place au Mondial au Brésil il y a 2 ans. La finale de cette Coupe du Monde en Russie, ce sera 410€ minimum, 985€ maximum. Mais ça, Lucas, ce sont les prix officiels, parce que quand le marché noir s'en mêle, ça monte bien bien plus haut que ces sommes-là. Et oui, on aura évidemment toutes les infos sur le Mondial en temps voulu. Hein, c'est encore longtemps. Oui, bien sûr, vous avez encore le temps de mettre votre petite pièce en cuivre dans votre tirelire. Et je vais économiser dès maintenant. D'ailleurs, 17h42 sur Vivacité. Merci, François Zaleski. 5 à 7. Et on poursuit avec cette sale histoire. Hein, pour les fans de concerts et de musique, vous n'allez peut-être pouvoir plus photographier, avec le flash en tout cas, et faire des vidéos de vos artistes préférés quand ils sont sur scène. Étienne Wery est avec nous. Vous êtes un avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a cette nouvelle qui est tombée. C'est Apple, en fait, qui veut bloquer les smartphones pendant les concerts. Pourquoi, dans un premier temps, ce sont les artistes qui veulent ça ? La plupart du temps, ce sont en effet les artistes qui le souhaitent. Qu'est-ce qui les gêne, le flash ou le fait d'avoir une rangée de smartphones devant eux à n'en plus finir ? Bon alors, il y a évidemment, j'imagine, un peu de tout. Mais derrière l'excuse officielle du flash, il y a surtout ce qu'on appelle les droits voisins de l'artiste-interprète. Ah voilà. Il faut savoir que lorsque un chanteur est sur scène, prenons un chanteur français bien connu, n'importe qui, il chante une chanson, par exemple, écrite par Jean-Jacques Goldman. Mmh. Eh bien, Jean-Jacques Goldman est l'auteur des paroles et de la musique. Celui qui le chante n'est qu'un artiste-interprète. Et sa propriété intellectuelle se limite au fait de chanter sur scène quelque chose. Mais c'est protégé par le droit. Et si tout le monde se met à filmer cela, évidemment, l'artiste-interprète ne peut plus exploiter son image sur scène pendant qu'il chante. Et c'est ça le plus souvent qui le dérange. Et c'est la même chose si on le filme et qu'on le garde pour soi dans son smartphone et de le diffuser sur Internet, sur Facebook par exemple. Alors, en effet, les chanteurs, les artistes-interprètes n'aiment pas cela. Ils n'aiment pas prendre le risque qu'il y ait des vidéos qui circulent sur Facebook ou autre. Et donc, ils préfèrent simplement interdire purement et simplement. Alors, on parle de Apple, mais Apple n'est qu'une marque de smartphone. Il faudrait que toutes les marques, dans ce cas-là, eh bien, s'allient ensemble pour que ça puisse se faire. En effet, donc il y a plusieurs cas de figure à analyser. Ce qui est étonnant, c'est de voir ici que c'est un fabricant qui va le faire. D'habitude, ce sont plutôt les exploitants de salles qui y plongent, par exemple en mettant des brouilleurs et autres. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que lorsque vous êtes dans l'enceinte d'un concert, vous êtes quelque part dans un lieu dans lequel vous êtes invité. Il y a des conditions qui s'appliquent, et une de ces conditions peut être de ne pas filmer. Après, c'est évidemment la liberté de l'artiste de l'autoriser ou pas. Alors on parle de films, mais les photos, qu'est-ce qu'il en est des photos ? Les photos, c'est grosso modo la même chose. Ah oui. Elles peuvent également être protégées par comme prestation de l'artiste sur la scène pendant qu'il joue. Ça peut paraître étonnant pour des chanteurs, mais il faut comprendre que prenez un danseur pour un ballet, par exemple. Mmh. Eh bien, l'artiste-interprète qu'il est, c'est sa seule rémunération, évidemment. Lui ne vend rien d'autre que sa prestation scénique. Le chanteur, lui, va pouvoir vendre en plus des CD et autres. Mais c'est pour ces artistes-là qui vivent vraiment et qui dépendent de leur prestation scénique qu'on a inventé ce qu'on appelle le droit voisin. Et ce droit voisin est, il est vrai, mis en péril par les smartphones. Et j'ai entendu dire comme ça qu'il y a un certain laps de temps avant que justement il y ait des droits sur une image. Genre on peut filmer pendant 20 secondes et ça ne représente pas de droits. C'est faux ou c'est vrai ça ? Alors il faut en effet, pour que le film soit sanctionnable par le droit, il faut qu'il viole le droit voisin de l'artiste. Et on a certains juges, on peut estimer qu'en deçà de 20 secondes, il y avait finalement une atteinte tellement petite qu'il n'y a pas vraiment de violation du droit. Mais c'est le juge qui décide ça, il n'y a pas une loi qui le dit. Alors bon, en fait, en gros, bah autant acheter le DVD, hein, parce qu'en plus, c'est beaucoup mieux filmé que quand on le fait avec son smartphone. Hein. En gros, il faut d'abord vraiment faire la part des choses entre ceux qui ne vivent que de leur prestation scénique et ceux pour qui la prestation scénique est un plus. Et quand la prestation scénique est un plus, eh bien vous avez aussi le droit de décider de ne pas aller voir tel artiste parce qu'il est antipathique et ne vous laisse pas filmer. Bruce Springsteen, que j'adore et qui est un type génial, ne demande pas mieux que d'être filmé et le dit au début de son concert, à l'inverse de certains autres artistes qui, eux, ne supportent pas le moindre écran. Allez, profitez-en bien, en tout cas, de tous ces concerts et profitez de l'artiste que vous avez sur scène, en face de vous, peut-être pas à travers un écran, enfin ça, à vous de voir pour rester dans tous vos droits, comme nous l'a dit Étienne Ouéry, qui est avec nous, avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies. Un grand merci, il est 17h46 sur Viva. Psst, chez Ose, vous savez que nous ne sommes pas du genre à afficher nos réductions en grand sur la vitrine du showroom. Alors je vous le dis juste à vous, Ose vous réserve des meubles stylés, de la literie de qualité à des conditions incroyables jusqu'à la fin du mois. Ose, quai des Ardennes à Liège et sur ose-interiors.be. Ma fille, elle fait de l'équitation. Ah oui ? Mon fils, du VTT. Ok, mais ma fille avec l'internat, elle va au cinéma. Et mon fils avec le sien, lui, il va voir les taloches ? Les temps ont changé, l'internat aussi. Ces activités et bien d'autres sont proposées par les internats de spa. Louise Weiss pour les filles, le Britannique pour les garçons, les internats de spa sont ouverts à tous. Aide à l'étude, encadrement dynamique, discipline, cuisine savoureuse et tellement plus à découvrir et à vivre. Plus d'infos sur lesinternatsdespa.be. L'exposition Homo Migratus. L'homme migre depuis la nuit des temps. Homo Migratus fait le point sur ce phénomène millénaire pour mieux comprendre la migration humaine et le brassage des cultures. Une exposition pour tous au musée de la Vie Wallonne à Liège. Entrée gratuite. Info viewallonne.be. Une initiative du service culture de la province de Liège. Avec le journal Le Soir et Vivacité. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Le beau vélo de Ravel, c'est la fête et les jambes. Rendez-vous ce 9 juillet au château d'Oupeil, au milieu des vignes et des vergers, pour pédaler avec Kiki l'innocent, avant de chanter avec Delta et Bastian Baker. Alors venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. À samedi les amis. À avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Sélection, bonjour. Vous vendez des TV? Oui, bien sûr. Oui. Vous avez de la chance, hein. Ce sont les soldes et on doit vider nos stocks. Alors vous profitez de réductions énormes. Pourquoi vous videz vos stocks? Parce qu'on fait de la place pour la nouvelle génération d'appareils connectés. Ah, comme les TV intelligentes et les casques Bluetooth? Oui, c'est ça. Ah, une bonne raison de venir pendant les soldes et même après alors. Exactement. Sélection vide ses stocks pour faire de la place à la nouvelle génération d'appareils intelligents. Il y a donc des soldes exceptionnels sur de nombreux produits. Sélection, meilleur et pas plus cher. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Merci d'être avec nous. Votre fin d'après-midi, on peut le dire maintenant, se poursuit avec une histoire assez insolite. Ah, on râle hein, quand on se chope une amende de l'administration. On n'est pas content, c'est sûr. Et pour exprimer son mécontentement, eh bien, il y a un jeune homme qui est allé à Strasbourg, précisément, pour payer son amende en liquide. Hein. Bah oui, c'est possible de payer en liquide directement. Il s'est quand même ramené avec 5100 pièces de 1, 2 et 5 centimes, 90 euros au total, pour régler cette amende. Alors imaginez un petit peu la tête de l'employé juste en face de lui. Eh bien, ça nous permet de nous poser quelques questions justement sur l'utilisation des petites pièces de monnaie. Pour en parler, Julie Frère est avec nous, qui est porte-parole de Testachat. Bonjour Julie. Bonjour. Bon, alors la question qu'on se pose, est-ce qu'on peut payer comme ça des grosses sommes, enfin ici on parle de 90 euros, en toutes petites pièces? Alors en fait, il y a un règlement européen qui est le règlement qui a instauré l'euro, qui prévoit qu'un commerçant a le droit de refuser qu'on règle un achat avec plus de 50 pièces. Donc si on a moins de 50 pièces, il est obligé de l'accepter. Si on a plus de 50 pièces, ça ne va pas marcher. Après, il y a des petits conseils. Si par exemple, on trie les pièces au préalable et qu'on les présente dans un distributeur de pièces standardisées, par exemple, qui évite aux commerçants de les trier, etc., il y en a qui acceptent même quand c'est plus de 50 pièces, mais en tout cas, ils ne sont pas obligés légalement d'accepter plus de 50 pièces. Il y a le sens moral qui joue quand même. Si on a tout un sac, même de 50 pièces de 1 cent, bon, c'est quand même pas terrible. Imaginez un petit peu la file qu'il doit avoir derrière vous dans ce cas-là, quoi. Oui, je suis d'accord, mais bon, il faut quand même pas oublier que c'est à cour légal, hein, donc on n'a pas le droit de refuser anticipativement comme ça le paiement en espèces à partir du moment où les pièces de 1, 2, 5 centimes, elles ont cours légal en Belgique. Bon, maintenant, vous le savez, il y a une règle assez récente qui date de fin 2014 qui prévoit l'arrondissement avec les petites pièces. Hein. Donc maintenant, quand il y a un montant total qui se termine par 1, 2, 6 ou 7 centimes, eh bien, on va arrondir au multiple de 5 cents inférieur. Et si c'est 3, 4, 8 ou 9 centimes, on va arrondir au multiple de 5 supérieur. Mais les commerçants qui décident d'appliquer cette règle, ils doivent bien l'indiquer très clairement dans le magasin. Il y a une sorte de pictogramme, une image qui montre une pièce de 5 cents qui englobe des petites pièces de 1 et 2 cents. Et dans ce cas-là, eh bien, il peut nous contraindre de pratiquer l'arrondi. Alors je sais que là je vais toucher un domaine plus juridique et tout ça, mais sûrement que vous êtes informé de ça, cette idée-là, de supprimer les pièces de 1 et 2 cents. C'est encore d'actualité ou pas du tout? Alors en fait, on ne les a pas supprimées, on ne peut pas supprimer ces pièces parce qu'elles ont cours légal. Hein, c'est vraiment la monnaie européenne qui a cours légal partout en Europe. Donc on ne peut pas dire qu'en Belgique, on ne pourrait plus payer avec elles. Par contre, on a cette règle de l'arrondi donc, qui permet à certains commerçants qui l'affichent très clairement dans leur magasin de dire « Vous ne pouvez pas me payer donc 1, 2, 6 ou 7 cents, mais vous devrez me payer 5 cents. » Donc c'est ça la règle qui essaye, si vous voulez, de réduire l'utilisation de ces pièces parce qu'elles coûtent très cher à l'État, elles coûtent cher à frapper. Et puis c'est vrai qu'il y a pas mal de... Enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, mais il y a pas mal de gens qui les perdent ou qui les mettent dans des petits bols et qui au final ne les utilisent jamais. Donc on ne peut pas les supprimer, elles ont cours légal, on peut toujours payer avec elles, mais le commerçant peut nous dire, voilà, vous ne payerez plus 1, 2, 6 ou 7, mais vous payerez 5 cents en dessous, ou si c'est 3, 4, 8 ou 9, eh bien vous payerez 5 cents au-dessus. Et le plus simple, hein, si on a un petit cochon, comme on dit, une tirelire là, avec plein de pièces rouges qui débordent, c'est quand même d'aller à la banque finalement. Oui. On peut aller à la banque, on peut aller échanger toutes ces pièces jusqu'à 5 kilos gratuitement. Donc si on va à la banque et qu'on, même si elles sont en vrac, etc., la banque va les trier pour nous. Bon, évidemment, il faut être patient. mais là, on va avoir un paiement direct et il n'y aura aucun frais qui seront pris. Par contre, si on veut spécifiquement un paiement bancaire, on doit attendre un petit peu plus longtemps. Et là, la banque va prendre une commission, si vous voulez, de 2% pour le travail qu'elle va réaliser. Mais bon, c'est vrai que, enfin, moi, je n'ai pas 5 kilos de petites pièces chez moi, mais si on est arrivé avec son cochon jusque-là, on peut évidemment toujours aller à la banque pour les changer contre des billets ou pour un virement sur son compte bancaire. À l'inverse, hein, vous n'avez peut-être pas des petites pièces, mais je me demande avec les gros billets, c'est la même chose dans l'autre sens, si on veut payer 3 tomates avec un billet de 200, par exemple, c'est le même ? Mais c'est une très bonne question. En fait, comme on l'a dit, hein, ça, les billets de 100 ou de 500 euros, ils ont aussi cours légal, mais c'est un petit peu la règle du bon sens ou de la bonne foi. Donc, en fait, on a un mémorandum qui a été établi par la Banque nationale de Belgique qui va dire que, par exemple, il y a un principe de proportionnalité. Donc, si vous allez acheter des tomates à 3 euros et vous sortez un billet de 500 euros, on peut estimer que le commerçant a le droit de vous dire que là, c'est exagéré. Donc, la règle, c'est un petit peu, lorsque le montant est inférieur de 50% à la valeur du billet qu'on présente, là, le commerçant peut refuser. Ou par exemple, s'il a été dans une période assez récente, il a été cambriolé à plusieurs reprises et qu'il craint qu'il y ait un nouveau cambriolage, il peut aussi dire, voilà, temporairement, je n'accepterai pas les gros billets. Oui. Mais là aussi, il faut l'indiquer très clairement sur le magasin, parce qu'on le rappelle, la règle, c'est quand même que ces billets ont cours légal en Belgique et que donc, refus, c'est l'exception à la règle. Et donc, il faut qu'il soit justifié, ce refus. Et faire preuve aussi de bon sens. Un grand merci d'avoir été avec nous, Julie Frère de Testachat sur Vivacité. On va changer de domaine tout de suite. On va s'intéresser au cactus de Jérôme Noirzé. On va repartir quelques temps en arrière. C'était le 8 septembre, le réfugié syrien. Et oui, les premiers réfugiés arrivés en Belgique. Et c'est Cody qui en parle très, très bien dans le cactus tout de suite. Cactus Jérôme, et vous recevez ce matin un témoin clé, un acteur de l'actualité. Oui, parfaitement, Benjamin. Aujourd'hui, un témoin de ce siècle, hein, il est ce que l'on appelle désormais communément un réfugié. Oui. Et il a fui les zones de guerre syriennes. Oui. Et est arrivé chez nous avant hier. Alors, écoutez, bonjour, bienvenue. Alors, comment voyez-vous votre avenir en Belgique ? Mon avenir en Belgique ? Mais t'es faux, toi. Je veux retourner dans mon pays, fais ça. Ah bon ? On m'avait dit, va en Europe, le paradis, tout ça. Va en Belgique, t'auras des droits, aussi des fricadelles, ça, j'ai pas compris. Mais j'aurais dû rester chez moi sous les obus. Ici, c'est la guerre atomique partout. Je ne comprends pas très bien ce que vous dites. Moi, je campais hier, près du rond-point Schuman. Ça bombardait partout. Non, mais c'est-à-dire que là, vous... Comment êtes... Non. Ils attaquaient avec des tracteurs et des moissonneurs. Non. Ils roulaient sur les escadrons de la police. C'est vicieux, ça. Non. Si Bachar, il avait eu la boîtier des comme ça, il repousse les rebelles en 3 jours. Il y avait l'odeur de la guerre et de la mort. Ça sentait le purin jusque dans le cœur des frites. Ah bon? Majordome. Oui, ça va bon, moi. Mais c'était une manifestation. Aïe, j'en ai vu tant. Aleppo, à Damas, mais l'acharnement comme ça, jamais. On laissait tout à feu, à sang, des fous sanguinaires, il y avait des folles aussi. Des folles. Au milieu, il y avait une femme, comment qu'elle s'appelait? Sandrine Danse. Sandrine Danse. Elle allait voir des conducteurs de tracteurs, elle demandait, vous êtes en couple ou célibataire? Vous aider à vous soulager si vous voulez. Oh là là. Comme ça, si t'envoies quelques-unes à Daesh, la guerre, elle arrête tout de suite. Non, mais c'est pas ce que vous croyez. Moi, je venais simplement m'installer tranquillement, loin des conflits, pour faire un petit fromage de chèvre tranquille. J'avais déjà tout produit, quelques petits fromages dans un petit atelier, il y a une sorte de Gestapo qui est venu tout saccager. Une Gestapo, comment ça? Kafka. Pardon? Kafka. Non, Lafska. Lafkaka, oui. Ils sont arrivés avec des combinaisons chimiques, ils ont tout piétiné avant de passer tout au lance-flamme. Aïe, quel pays! Au moins, la Gestapo, elle te mettait dans un train pour aller en Allemagne, tu avais une chance. Les Syriens, ils te laissent là. Ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas produire de fromage à cause de l'hystérie. C'est qui cette l'hystérie? Moi, je ne connais pas cette dame. Qu'est-ce que c'est cette hystérie? Écoutez, je vais tout vous expliquer. J'ai pas fini. Ah bon? Le cauchemar était pas fini. Comment? Alors on est parti, on a détalé comme des lapins de Schumann, on a marché. Et quand la nuit elle est tombée, on a décidé de s'arrêter dans un patelin Linka Beck. Oui, non. Mais... Alors, il y avait le Ku Klux Klan. Mais non! Si, le Ku Klux Klan, monsieur. Ils étaient là en jaune et noir avec des des cagoules et des torches, ils voulaient brûler une maison communale. Non, mais non, mais non, c'était le Talaxy Committee. Et à leur tête, il y avait une femme blonde qui chevauchait un lion, une femme avec des yeux tout rouges et des portes jartelles en cuir jaune et noir. Ils hurlaient tous à sa gloire en se prosternant. Lisbeth, Lisbeth. Non, mais non, mais, ça, mais c'est Lisbeth Thomas. Mais vous mélangez tout, c'est juste pour impressionner le... Lisbeth, c'est comme les Valkyries dans les contes. Dans une main, elle avait une épée avec du sang et dans l'autre main, elle avait la tête tranchée d'un type qui s'appelait Damien Thierry, je sais pas. Il avait deux prénoms. Je sais même pas pourquoi, je comprends pas. Partout ici, des guerres et des fous, des folles partout. Je vais demander l'asile en Irak ou devenir esclave de Boko Haram. Ce sera plus tranquille comme vie. Et j'ose pas prendre le talis, bon, hein, il paraît que c'est pas le bon moment. Bon, écoutez, vous êtes tombé le mauvais jour. J'ai pas fini. Comment fini. Enfin... Alors, on a fouillé du côté de Saint-Tron. Aïe, aïe, aïe. On a rencontré des centaines de personnes dans la rue avec de la rage, de l'incompréhension, des drapeaux jaunes et bleus. Ils avaient des fourches en main et ils chantaient « On est fiers de Canaries !» Non, mais ce sont les supporters du club de football, c'est parce que... Ils cherchaient un traître qui s'appelait Yannick et qui était passé dans l'autre camp. Ah bon? Je comprends rien. Pourquoi tu chantes que t'es fier d'être un Canari? Bon, merci. Écoutez, merci pour votre témoignage. Hein, on va vous... En Syrie, je dirais ce que j'ai vu. Rassurez-vous, plus personne ne viendra jamais ici. Et bon, ben voilà. Comme ça, on est tranquille. Alors, merci. Avec les mêmes collaborations de Cody ce matin, qui nous a rejoint. La Chimée dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimée, les accords bières et fromages depuis 1876. Et il est temps de voir à quelle sauce allons-nous être mangés dans le ciel, Dominique. Eh bien, dans un vent qui va se calmer tout d'abord, et puis un retour à un temps sec la nuit prochaine, minima de 8 à 13 degrés. Pour le reste de la semaine, on va noter une amélioration. Le temps va devenir sec et le soleil va se montrer plus généreux au fil des jours. Au niveau des températures, on va partir de 17 à 21 degrés demain pour arriver aux alentours de 25 degrés samedi. Mais attention, on nous signale déjà quelques coups de tonnerre possibles dans la nuit de samedi à dimanche. Merci Dominique. Alors dans la suite, on va continuer notre fil rouge dans le 5 à 7 sur Vivacité. Parler de vos petites gaffes, vos bêtises, vos maladresses. Et il y en a, hein. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. En famille ou entre amis, vous avez été des millions à suivre le parcours des Diables Rouges sur la Une, Vivacité, RTBF Ovio et sur les écrans géants. Merci d'avoir été bleu, blanc, diable avec nous. Vous écoutez Vivacité, il est 18h, voici les titres du journal. Jusqu'à 16 ans de prison pour les djihadistes de la cellule démantelée il y a plus d'un an et demi à Verviers. Les prévenus accusés d'avoir été en contact régulier avec le groupe terroriste État islamique, accusés aussi de préparer des attentats dans notre pays. On vous conseille toujours de vous tartiner de crème solaire pendant les vacances. Une association française de consommateurs porte plainte contre 5 fabricants, dont un belge, Biosolis. On vous explique pourquoi. L'Allemand Marcel Kittel remporte la 4e étape du Tour de France à Limoges. Demain, on attaque la montagne. On retrouve nos envoyés spéciaux dans le Journal des Sports. Et le journal de 18h, il vous est présenté par Marianne Brillo. Bonjour Marianne. Bonsoir à tous. Des peines jusqu'à 16 ans de prison dans le procès de la cellule de Verviers. La lecture du jugement a duré toute la journée. 16 personnes condamnées pour participation aux activités d'un groupe terroriste. 4 d'entre elles comme dirigeantes. Condamnées aussi pour avoir planifié des attentats en Belgique. On revient sur ce jugement avec Fabrice Gérard qui se trouve au tribunal correctionnel de Bruxelles. Ce sont des peines exemplaires qui ont été prononcées à l'encontre des 16 membres de la cellule terroriste de Verviers. Voilà ce qu'a déclaré le président du tribunal correctionnel de Bruxelles à l'issue d'un jugement dont la lecture aura duré près de 6 heures. Les 3 principaux protagonistes écopent de 16 ans de prison ferme. Ils sont reconnus coupables de tentatives d'assassinat terroriste sur le sol belge et d'appartenance au groupe terroriste État islamique. Une sanction beaucoup trop sévère aux yeux de Xavier Carrette, l'avocat de l'un des principaux prévenus. Si vous avez entendu le jugement depuis le matin, on a fait le tour de tous les dossiers terroristes de Bruxelles et voire du monde, hein. Donc on a vraiment fait le jugement de l'ensemble de la problématique. C'est oublier qu'ici on juge une filière, on juge les hommes qui sont là. Je crois que les hommes, on les a oubliés. Il faut dire que l'ombre d'Abdelhamid Abaoud aura plané tout au long des débats, car celui qui est aujourd'hui considéré comme le principal coordinateur des attentats de Bruxelles et de Paris était déjà, selon le tribunal, celui qui dirigeait depuis la Grèce la cellule terroriste de Verviers. En fait, ils auraient aimé pouvoir le juger, ils ne le jugent pas, et donc on en parle, on a vraiment alimenté pour apporter une chape de plomb sur cette affaire et finalement arriver à la sanction qu'on connaît, c'est-à-dire 16 ans de prison. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'on n'a jamais entendu ici à Bruxelles. Reste une question sans réponse, celle de la cible visée par les terroristes de Verviers. Ces derniers disposent désormais d'un mois pour faire appel de leur condamnation. C'était Fabrice Gérard. La commission parlementaire sur les attentats de Paris a rendu son rapport. Les familles de victimes se disent déçues. 40 conclusions et propositions pour faire face au terrorisme 8 mois après les attentats de Paris. Il n'y a pas eu de gros ratés dans la gestion de ces attentats au mois de novembre, mais la France n'était pas prête à affronter des attaques d'une telle ampleur. C'est la conclusion de cette commission parlementaire. Parmi les recommandations, une refonte, une fusion des services du renseignement et d'intervention autour d'une agence nationale. Il s'agit de corriger le manque de coordination que l'on connaît actuellement. Les députés français qui s'interrogent aussi sur l'efficacité de l'état d'urgence. Ce rapport a été approuvé, présenté aussi aux familles des victimes. Philippe Duperron a perdu son fils dans l'attaque du Bataclan. Je ne suis pas du tout convaincu par les propositions qui nous sont faites. Je pense que certaines relèvent encore des vœux pieux, qu'on n'a pas idée des moyens qui seront mis en œuvre, on n'a pas de calendrier, et il est à craindre que ce soit encore de nouveaux attentats, de nouveaux morts, qu'il faille attendre pour que des mesures soient prises. Mais quelles mesures? Car on en prend, à mon avis, pour encore quelques décennies d'incurie politique. Mais visiblement pas rassuré parce que vous avez entendu. Absolument pas rassuré parce que j'ai entendu. Non, absolument pas. Le père d'une victime du Bataclan, interrogé par notre envoyé spécial à Paris, Patrick Michal. L'hygiène des restaurants s'améliore selon le dernier rapport de l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Plus de 120 000 contrôles effectués l'année dernière, près de 6 inspections favorables sur 10. Plus de la moitié des restos sont conformes, même si la marge de progression reste importante. Les mauvais élèves, ce sont les vendeurs de pita, les bons, les cafés. La situation qui s'améliore également dans les écoles avec près de 3/4 des contrôles positifs. Le lancement d'une pétition en soutien aux agriculteurs en crise, c'est une initiative des organisateurs de la foire agricole de Libramont. Ils ont présenté leur programme aujourd'hui. La pétition réclame des prix qui permettent aux agriculteurs de vivre. La pétition est lancée sur Internet. Elle sera remise le 25 juillet aux autorités, aux pouvoirs publics et à des représentants aussi du secteur de la grande distribution. La foire de Libramont commencera le 22 avec un thème cette année, la lutte contre le gaspillage alimentaire. 18h05 sur Vivacité. 5 fabricants de produits solaires pour enfants visés par une plainte en France. Oui, une plainte de l'association de consommateurs Que Choisir. C'est une sorte de test achat à la française. L'association parle de graves carences en termes de protection au rayon UV parmi les fabricants visés, de grandes marques comme Clarins, Bioderma, mais il y a également une société belge, Biosolis. Alors Lionel de Neubourg, qu'est-ce qu'on leur reproche? Des affirmations mensongères, de tromperies, en gros de ne pas protéger suffisamment contre les UVA, ces rayons ultraviolets qui ne donnent pas de traces, pas de coups de soleil, mais qui sont tout aussi responsables de cancer de la peau. D'après Que Choisir, sur les 17 produits pour enfants testés, 5 d'entre eux n'offrent pas la protection minimale et donc le belge Biosolis. Alors comment réagit-on chez Biosolis justement, Lionel? On tombe des nues, on ne comprend pas. Cédric Mourlon, le patron, a été contacté par Que Choisir il y a quelques semaines de cela. Il a vu les résultats et ils sont tout à fait conformes, dit-il. Donc ils ont complètement mal interprété leurs propres résultats d'analyse. Probablement parce qu'ils n'y connaissent pas grand-chose ou je ne sais pas pourquoi. Si mes résultats n'avaient pas été bons, là je dis pas. Mais les résultats sont bons, leurs propres résultats sont bons, mais leurs conclusions pas, c'est complètement, complètement incompréhensible. Chaque année, Biosolis vend 25 000 produits dans une trentaine de pays et le patron a bien l'intention de ne pas se laisser faire face à l'Association française de consommateurs. Merci Lionel, c'était Lionel de Neubourg. Il est généralement assez petit et de saison. Et oui, aujourd'hui ce sont les 70 ans du bikini. Et on ne se lasse pas de lui souhaiter bon anniversaire. C'est un Français, un Lillois, Louis Réard, qui en est le créateur. Il le présente pour la première fois le 5 juillet 1946 dans une piscine parisienne. On y élisait la plus jolie baigneuse. Et le moins que l'on puisse dire, Jade Pécheras, c'est que le bikini y a reçu un accueil plutôt frais. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Deux petits morceaux de tissu retenus par quelques liens. À l'époque, pour le public, le bikini est décidément indécent. Ces belles filles exhibent des costumes de bain devant un public et un jury qui s'intéressent plus au contenu qu'au contenant. Ghislaine Rayer a coécrit le livre Bikini, la légende. Elle était très impudique de montrer son nombril et très impudique de montrer ses hanches. Faut pas oublier quand même qu'on est en 46 après la guerre. Mais en même temps, une chose est certaine, c'est que les femmes se sont émancipées. Et c'est évident que dans les années qui vont suivre, le bikini, même s'il a pas fait un succès fou le 5 juillet 46, il va rentrer dans l'air du temps. Petit à petit, certaines stars osent dévoiler leur nombril. Brigitte Bardot en 53 sur la plage du Carlton de Cannes. Ursula Andress dans James Bond contre Dr No en 63. Le bikini devient alors symbole de la libération des mœurs. Je suis venue en vacances pour me faire bronzer, bien sûr. Et j'ai trouvé ça tellement agréable de pouvoir se mettre à l'aise. Est-ce que vous avez l'impression d'être indécente ? Pas du tout. Où est-ce qu'elle commence l'indécence pour vous ? De toute façon, pas quand on est nu. Depuis, le bikini, en bon septuagénaire, fait un peu moins de vagues que dans sa jeunesse. C'est un reportage de Jacques Pécheras de Radio France. Et justement, des bikinis. Non, je ne porte plus de bikinis. Non, mais je ne crois pas oser vous le demander. Comme si je vais rentrer dans votre intimité, Marianne. Un grand merci. On va partir sur les routes tout de suite. Aux côtés de Pierre Collard-Bovy, bonjour. Oui, bonjour Lucas, je peux vous montrer ma collection si vous voulez. Je m'en doutais, je le savais. Bien, toujours des ralentissements dans la plupart des, oui, pratiquement tous les tunnels de la capitale pour le moment. Inutile de détailler, ça ralentit partout. 47 minutes dans notre parcours supplémentaire pour le tronçon Zaventem Grand Bigard en circulation extérieure, plus 15 minutes pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem, plus 11 minutes pour l'extérieur Grand Bigard au titre, plus 9 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard. Terminé pour l'accident sur le 40 Bruxelles-Gand en hauteur de Ternat. Cela étant, il y avait beaucoup de ralentissements et les fils sont encore, vous prenez encore 20 minutes en direction de la côte, ça doit se résorber évidemment. Et puis en des nouvelles de l'accident sur la N64 8 à Nuit à hauteur de Brève, la circulation s'effectue en alternance sur une seule voie, ce qui engendre évidemment de gros embarras de circulation, et ce dans les deux directions. Votre voiture est en morceaux à Tirlemont, et Tia, c'est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. En juillet chez Ego, profitez de 25% de remise sur votre nouveau placard ou dressing sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Vivacité, le journal des sports. Françoise Aleski avec vous, bonsoir. Marcel Kittel tient sa première victoire sur le Tour de France 2016. Le coureur allemand a remporté la 4e étape au sprint aujourd'hui à Limoges. Le Slovaque Peter Sagan, 3e de l'étape, conserve son maillot jaune. Le déçu du jour se nomme Brian Coquard, 2e à un cheveu de Kittel. On va analyser ce sprint tout de suite, et cela dans le journal du Tour, sur la ligne d'arrivée à Limoges. On retrouve sur place notre envoyé spécial Samuel Grulois et notre consultant Cyril Saugrin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. François, effectivement un fifrelin, un millimètre voire un micromètre pour départager Marcel Kittel et Brian Coquard aujourd'hui sur la ligne d'arrivée de Limoges. Le jump de Coquard dans les 50 derniers mètres aura finalement été vain. Il échoue vraiment à quelques millimètres de Marcel Kittel. Il aura fallu la photo finish, comme hier d'ailleurs, pour départager les deux premiers. Et quand il a appris l'officialisation de sa victoire, l'Allemand Marcel Kittel a fondu en larmes. C'est vraiment une grosse frustration qui s'envole pour lui. Un gros ouf de soulagement. L'homme d'Arnstadt dans le centre de l'Allemagne. Deuxième samedi, 147e dimanche, 7e hier. On se demandait s'il pouvait encore remporter un sprint massif. On sait qu'il y a eu une mise au point au sein de l'équipe Ethics Quickstep. Patrick Lefebvre a tapé du poing sur la table par rapport à l'organisation de l'équipe. Comment amener les sprints, semble-t-il. Cette mise au point a eu des effets bénéfiques puisqu'effectivement, aujourd'hui, ça a fonctionné. Marcel Kittel a remporté la 9e étape de sa carrière sur le Tour de France. Lui, il est heureux. Par contre, notre ami Coquard, il est tout triste. Brian Coquard, que l'on écoute. Là, j'essayais de faire le maximum, mais je voyais bien que je revenais, mais là, je suis très déçu. Voilà, maintenant, il ne faut pas baisser les bras, il reste beaucoup d'occases. Voilà. On a pris les choses en main, on s'est mis à rouler dans le final. Chapeau Direct Énergie, et je pense que je fais partie des grands maintenant. Voilà, Brian Coquard, sympathique Brian Coquard, qui n'a finalement fait aucune erreur. Cyril Saugrin, il n'a pas grand-chose à se reprocher. S'il y avait, 50 cm de plus au parcours de cette étape, Coquard gagnait. Oui, c'est clair que sur la lancée, on a l'impression vraiment qu'il doit pouvoir passer. Mais il y a un moment, dans les 20 derniers mètres, ils sont tous les deux en bout de pédale. Ils sont vraiment épaule à la lutte. Contre épaule en épaule plus. Épaule contre épaule, coude contre coude. Et finalement, chacun jette son vélo et il manque un cheveu à Brian Coquart. J'imagine que la déception est lourde, c'est sûr. Mais on souhaite et on pense qu'il va rebondir. Mais il dit que les occasions sont encore nombreuses. Elles ne sont pas si nombreuses que ça. Mais lui tentera le coup. À chaque fois, ce sera possible. C'est un chouette garçon, Brian Coquart, pistard aussi, hein. Il a des qualités pour se placer dans les sprints. Victoire donc de Kittel devant Coquart, 3e Sagan, 4e Groenewegen, 5e Christophe. Sagan 3e qui en profite pour prendre 4 secondes de plus de bonification. Il renforce donc son maillot jaune. Au classement général, il devance désormais Alaphilippe de 12 secondes, Valverde de 14 secondes. Et ce maillot jaune aujourd'hui, c'est Raymond Poulidor qui lui a remis. Raymond Poulidor, originaire de Limoges, du Limousin, lui qui n'a jamais porté le maillot jaune, tout un symbole évidemment sur le podium du Tour de France. Dans l'échappée du jour, échappée qui a été reprise à 7 km de l'arrivée, on retrouvait un Belge, Oliver Nasson, et on apprécie la présence de Nasson à l'avant après les bonnes performances de Stuyven et de Teuns. Un autre néo-pro belge a donc fait parler de lui aujourd'hui en bien. Nasson qui a pris beaucoup de plaisir vraiment en passant 200 km en tête avec Goujard, Schillinger et Irizar. Oui, c'est incroyable, comme tout le monde est super enthousiaste ici. Et, oh, il y a tellement de monde, on voit ça nulle part d'autre, seulement peut-être dans les classiques, mais c'est vraiment quelque chose de spécial. Oliver Nasson au micro de Jérôme Elguers. Il a reçu le prix de la combativité. Il a donc pu monter sur le podium protocolaire. Oliver Nasson, le coureur de YAM. Et on en profite, puisqu'on parle du prix de la combativité, pour revenir sur la polémique aujourd'hui qui alimentait les conversations au sein de la zone technique du Tour de France. Hier, Armindo Fonseca a passé la majeure partie de la journée seul en tête, mais à l'arrivée, c'est Thomas Voeckler qui a contre-attaqué dans les 20 derniers kilomètres et qui a reçu le prix de la combativité. Grosse polémique donc, parce que tout le monde a trouvé cela un petit peu injuste finalement. Jérôme Elguers a donc demandé au directeur de course Thierry Gouvenou comment justifier ce prix de la combativité étonnamment remis à Thomas Voeckler. Oui, c'est vrai que ça fait un petit peu de polémique, mais c'est une bonne occasion de rappeler un peu ce qu'est le prix de la combativité. La combativité, il y a un peu la notion de combat, de se donner, d'aller de l'avant. Et on ne peut pas dire hier qu'hier, Fonseca, il est allé de l'avant en s'échappant dès le départ. Mais après, il roulait petit plateau, 30, 32 de moyenne, vent de dos. C'est pas ça la combativité. Et donc on a voulu marquer le coup, on était prêt à ne pas remettre de prix pour marquer le fait que ben voilà, il fallait quand même donner un minimum d'envie, d'un peu de physique. Et on était prêt à ne pas mettre de prix de combativité hier. Et puis après, Thomas Voeckler a accéléré, a fait une vraie contre-attaque, a donné du rythme à la course. Et c'est ça qu'on a récompensé. Les arguments de Thierry Gouvenou qui n'ont pas convaincu tout le monde. Demain, direction les premiers contreforts, le Cantal, 216 km entre Limoges et le Lioran, dans ce département vraiment que j'adore personnellement, le Cantal. Au programme, 6 difficultés, une côte de 4e catégorie, 3 côtes de 3e catégorie et 2 cols de 2e catégorie. Cyril Saugrin, est-ce que demain, on peut déjà s'attendre à la bagarre entre les favoris pour ce Tour de France ? Oh, bagarre entre les favoris, certainement pas la bagarre, mais quoi qu'il arrive, il va falloir être placé. On verra ceux qui sont bien. Est-ce que Contador a bien récupéré au cours de ces deux journées, de ces deux premières journées de Tour de France qui lui ont été un peu pas très favorables. On va tirer des petits enseignements plutôt de l'état de forme, des volontés des uns des autres, mais je pense qu'il faudra plutôt regarder sur ceux qui sont très proches de ce maillot jaune et se tourner vers des Julien Alaphilippe, Tony Galopin probablement qui viserait peut-être des victoires d'étape. Mais sur les coureurs qui jouent le classement général du Tour de France, probablement pas. Par contre, ils devront quand même être aux avant-postes. Voilà, le mieux classé pour le moment, c'est Christopher Froome, 5e à 18 secondes du maillot jaune Peter Sagan, qui va donc se battre demain pour défendre sa jolie tunique, François. Merci Samuel et merci Cyril. On vous retrouve demain pour cette 5e étape et les grimpeurs qui vont donc commencer leur tour. En football, Maxime Lestienne quitte le PSV Eindhoven. L'ancien joueur de Bruges et Moucron rejoint le championnat de Russie. Il a signé pour 4 ans au Rubin Kazan. À l'Euro, le Pays de Galles pourra bien compter sur sa star Gareth Bale demain en demi-finale contre le Portugal. Portugal. Bale qui se plaignait de courbatures après le match contre la Belgique. Il s'est finalement entraîné normalement avec le groupe de Gallois ce matin. Côté portugais, le défenseur Pepe a lui aussi repris l'entraînement suite à des douleurs musculaires, mais il est resté à l'écart du groupe. Un autre Euro commencera demain. C'est l'Euro d'athlétisme. La Belgique y emmènera une très large délégation, 29 athlètes plus le relais masculin du 4x400 mètres, un relais dans lequel on retrouvera les trois frères Borlée, Kevin, Jonathan et Dylan, avec Olivia. La fratrie Borlée sera donc composée de 4 membres dans cet Euro. Une fierté pour le papa, Jacques Borlée, entraîneur du relais. Je pense que c'est unique dans les annales, que ce soit au niveau européen ou que ce soit au niveau des Jeux Olympiques, avoir 4 athlètes qui vont performer pour des championnats comme ça, c'est extraordinaire et c'est clair que j'ai une énorme fierté, mais surtout c'est fait avec humilité et avec plaisir. Le plaisir et la fierté aussi pour un autre Belge, Philippe Milanoff, notre spécialiste du lancer du disque. Il vient d'officier comme porte-drapeau de la délégation belge dans cette cérémonie d'ouverture de l'Euro. Gaëtan Van Kerkhove, bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi cette cérémonie pour nous et petite particularité, elle n'a pas eu lieu dans le stade olympique. Ben non, plutôt que de faire un défilé dans ce stade, les organisateurs avaient misé sur une incursion dans le centre-ville, comme c'est devenu la mode, hein, avec les meetings en ville. Un spectacle à quelques mètres du musée Van Gogh, avec défilé des différents drapeaux nationaux, en musique, en public et en présence du roi néerlandais Willem-Alexander, tout sourire. Une cérémonie courte, battue par le vent frais du jour, et précédée d'un concours de javelot. Et oui, car dans la pelouse, juste derrière le musée Van Gogh, les organisateurs néerlandais ont installé toute une aire de lancer. C'est ici, en ville, que se dérouleront en effet les qualifs du javelot et du disque. Le disque où nous aurons un Belge, évidemment. C'est lui qui a porté le drapeau noir-jaune-rouge, le disco-ball Philippe Milanoff. C'est une des chances de médaille pour cet Euro. D'ailleurs, comme Kevin Borlée sur 400 mètres, si sa blessure au pied lui permet de s'aligner en individuel. Chance de médaille aussi pour Nafiti, un mal à hauteur, pourquoi pas. Et surtout, un peu comme d'habitude pour le relais 4x400 mètres, messieurs, cette finale-là, ce sera pour dimanche soir, mais demain déjà gros programme, surtout en qualif avec la hauteur de Thiam, le 200 mètres, le 200 mètres d'Olivia Borlée, des séries du 400 et le premier jour de nos trois décathloniens qui seront les premiers en piste. Merci Gaëtan, on vous retrouvera évidemment pour cette journée chargée demain et l'Euro qui s'achèvera donc dimanche à Amsterdam. Du côté de Londres à présent, on disputait aujourd'hui les quarts de finale dames à Wimbledon. Venus Williams s'est imposée face à la Kazakh Shvedova. En demi, elle sera opposée à l'Allemande Angélique Kerber, tombeuse de la Roumaine Alep. Il y aura aussi une Williams dans l'autre demi-finale. Serena qui s'est qualifiée au détriment de la Russe Pavlyuchenkova 6-4, 6-4. Sa prochaine adversaire sera la Russe Elena Vesnina. Elle a gagné 6-2, 6-2 face à la Slovaque Sibulkova. Notez encore chez les messieurs que Tomáš Berdych a terminé son huitième de finale interrompu par la nuit hier. Le joueur tchèque qui a éliminé son compatriote Vezeli en 5-7. Tout de suite, c'est le 5 à 7 justement qui se poursuit en compagnie de Lucas Correa. Merci François Zaleski, il est 18h20. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Merci d'être avec nous sur Vivacité. Le 5 à 7 se poursuit pendant un petit peu moins d'une heure, mais on a encore plein de bonnes choses à vous dire, notamment eh bien une grande avancée technologique. Bah oui, après avoir percé quelques mystères de la planète Mars il y a quelques temps, on en a beaucoup parlé avec un petit robot d'ailleurs, qui a eu quelques soucis, soit dit en passant, eh bien la NASA va tenter d'en savoir plus sur la planète Jupiter, et pour ça, ils ont envoyé Juno. Alors Juno, c'est pas un petit robot, mais c'est une sonde qui a réussi à s'approcher très très près de la plus grande planète du système solaire. On va en savoir plus d'ici quelques instants, et croyez-moi, c'est passionnant. Et puis on va revenir dans le thème des vacances. Vous allez peut-être bientôt partir, vous allez vouloir en faire profiter vos amis en faisant chauffer votre smartphone. Bah oui, c'est fini les cartes postales maintenant. Eh bien sachez que ça peut vous coûter cher. Et oui, ça s'appelle le roaming. Il s'agit des communications à l'étranger qui peuvent vraiment monter. Alors comment ne pas transformer votre retour de vacances en cauchemar? C'est ce qu'on verra dans la suite avec quelques petits conseils. D'autres conseils aussi pour nager en toute sécurité. Bah oui, vous l'aurez peut-être remarqué, si vous allez sur quelques plages ces temps-ci, il y a de moins en moins de gardiens de plage, donc un petit peu plus d'insécurité. On verra comment quand même pouvoir nager en toute quiétude. Alors, on va faire un petit voyage dans l'espace maintenant, un très beau voyage dans l'espace, hein. Écoutez, on se met un petit peu dans l'ambiance comme ça. Là, on est vraiment entre deux étoiles et entre deux planètes précisément, la planète Terre et la planète Jupiter. Bah oui, je vous le disais. Après la planète Mars, la NASA tente de percer les mystères de la plus grande planète du système solaire. Il s'agit de la planète Jupiter. Denis Grosdan est avec nous. Bonjour. Oui, bonsoir plutôt. Bonsoir, vous avez raison, 18h20, c'est le soir. Je suis un petit peu sur une autre planète, comme vous voyez. Vous êtes directeur du laboratoire de physique atmosphérique et planétaire de l'ULG. Alors on peut dire que c'est un véritable exploit, l'envoi de cette sonde Juno. C'est en tout cas un véritable challenge qui a été relevé, puisque tout a fonctionné parfaitement. Oui, parce que le moindre petit couac peut faire capoter des années de travail. Hein. Exactement, on était proche d'une catastrophe si jamais le moteur n'était pas allumé ou bien s'il n'avait pas duré assez longtemps. On aurait très bien pu perdre la sonde et ne rien avoir comme données. Alors on dit que cette sonde est en partie liégeoise, pourquoi ? Oui, tout à fait vrai. En fait, il y a eu une contribution industrielle du Centre spatial de Liège avec un petit morceau d'un des instruments qui a été fabriqué ici à Liège. Et puis alors il y a la partie scientifique à laquelle nous collaborons énormément. Alors, le but dans tout ça, c'est de comprendre Jupiter, parce que visiblement, à présent, on ne sait pas grand-chose de cette grande planète. Ben, étonnamment, oui, on ne sait pas grand-chose sur cette planète, on sait à quoi elle ressemble, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. On a évidemment des bonnes idées sur ce qu'on peut y trouver, mais on ne sait pas trop comment tous ces éléments sont agencés entre eux, ce qui a beaucoup d'importance sur d'autres phénomènes qu'on peut observer. Alors, plus cette sonde va se rapprocher, plus elle vous donnera donc des informations. À quoi peut-on s'attendre comme découverte ? Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Ben déjà, on va pouvoir savoir si oui ou non, à l'intérieur de Jupiter, il y a un noyau solide ou bien si ce n'est que du gaz. Mmh. On va aussi savoir comment le champ magnétique est généré, etc., etc., etc. On en a pour 10 ans à comprendre tout ça. Ah oui, d'accord. Donc réponse dans 10 ans. Jupiter, c'est bien celle qui a un gros nuage au-dessus d'elle, hein. C'est bien ça. Hein. Jupiter, c'est celle la plus grosse des planètes du système solaire avec un très grand cyclone qu'on appelle la tache rouge. Voilà, c'est ça. Oui, c'est bien celle-là, tandis que Saturne, c'est celle avec les anneaux. Et en fait, on va pouvoir aussi étudier Saturne, parce que ce sont des planètes qui se ressemblent très fort. Mmh. Donc, petit à petit, on va reculer de plus en plus loin dans le système solaire, aller vers Uranus, peut-être Neptune aussi. Donc, c'est les prochaines. Oui, exactement. S'il a déjà fallu 5 ans de périple pour que cette sonde arrive jusqu'aux côtes de Jupiter, on va dire, pour les autres, on peut s'attendre à combien d'années pour pouvoir avoir des avancées scientifiques ? Oh, bah écoutez, c'est un peu comme des voitures, hein, tout dépend de la vitesse à laquelle on les lance. Et si on va vite, on consomme beaucoup, c'est un peu ça le problème. Si on consomme beaucoup, ça coûte cher. Donc on va aller petit à petit. Si on veut aller plus loin, il faudra attendre un peu plus longtemps. L'univers est loin de nous avoir révélé tous ses secrets. Oh oui. Bah, espérons-le. Beaucoup de choses à apprendre. Vous serez embêté si on n'a plus rien à rechercher. Ce serait dommage quand même. C'est totalement impossible. Évidemment. Il y aura toujours quelque chose à chercher. Et nous, on aura toujours des choses à apprendre. Un grand merci d'avoir été avec nous, Denis Grosdan sur Vivacité, directeur du laboratoire de physique atmosphérique et planétaire de l'ULG. On passe à un tout autre domaine, puisqu'on va parler nourriture tout de suite. Il s'agit du Dico Food. Alors, à quelle page s'est arrêté quand Dico Food. Le Dico Food du 5 à 7. Hello Cyril, hello tout le monde. Le Dico Food va s'arrêter ce soir à la lettre P. On va travailler la pêche. On est en plein dedans et on va se faire une petite salade estivale sur cette pêche. On la grignote toujours telle qu'elle et c'est très bon. Mais on peut vraiment se faire quelque chose de sympa et qui ne demande rien. C'est juste quelques ingrédients et vous allez vous faire une salade qui, avec un morceau de pain, peut vous faire pour ce soir, sans devoir attendre, un super repas. Vous prenez 2 poignées de roquettes, vous prenez 4 pêches que vous allez émincer, un petit peu de menthe fraîche, un petit peu de persil plat, de la mozzarella. Avec la pêche, c'est parfait. Et un peu de prosciutto, un peu de jambon cru. Si vous avez une poignée de pignon, c'est encore mieux. Alors, vous allez commencer par ciseler vos herbes. Donc, persil plat et menthe. Vous les ciselez finement. Vous les mettez dans un petit bol et vous allez les arroser, ces herbes, d'huile d'olive et de balsamique dans la même quantité. Pour une petite poignée de menthe, une petite poignée de persil, je mets 20 ml d'huile d'olive et 20 ml de balsamique. Comme ça, vous avez le ratio. Sel, poivre et vous fouettez. Et vous allez avoir votre vinaigrette herbacée avec toutes ces saveurs fraîches d'herbes qui vont se mélanger au balsamique, à l'huile, on a quelque chose qui est déjà très très bon, très estival. Vous coupez chaque pêche en 8 tranches, vous versez les 3/4 de votre vinaigrette herbacée, miam miam, sur cette roquette, vous mélangez, vous dressez sur assiette, donc vous faites votre lit de roquette vinaigrée par-dessus, sur chaque assiette. Vous disposez au-dessus les tranches de pêche, de la mozza finement coupée, et des morceaux de prosciutto. Je prends les tranches de prosciutto et je les je les casse un peu comme ça grossièrement, vraiment sans s'énerver, mais l'idée c'est qu'on ait des morceaux un peu filants de prosciutto, parce que c'est ça qui est bon, qui se mélangeront davantage avec la mozzarella et la pêche en bouche. Quelques pignons, toastés ou non selon votre courage, et vous arrosez du restant de vinaigrette. Un coup de gros sel, on sert tout de suite et vous allez avoir une super salade. Bon, ça donne faim, tout ça, quand discotère que vous venez d'entendre dans le Dico Food. En parlant de sel, tiens, changez le sel et le sucre. Ça vous est peut-être arrivé comme maladresse, ça tombe bien, c'est la question qu'on vous pose dans notre fil rouge d'aujourd'hui. Des sales petites bêtises qui vous seraient arrivées, qui sont parfois embarrassantes, on en reparle dans la suite. C'est la folie des soldes chez Mediamart sur le plus grand assortiment de Belgique. Pendant les soldes, nous vous livrons le gros électroménager et reprenons votre ancien appareil, le tout gratuitement. Conditions sur Mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. Dans un monde qui change, il est temps d'investir durablement. Chacun peut faire beaucoup pour l'environnement, comme trier ses déchets ou recycler. Mais savez-vous que chez BNP Paribas Fortis Private Banking, vous pouvez aussi investir dans des entreprises qui s'engagent de façon durable. Par exemple, dans des parcs éoliens qui produisent de l'énergie verte. De plus, un investissement écologique peut se montrer aussi rentable qu'un investissement traditionnel. Contactez votre private banker chez BNP Paribas Fortis ou surfez sur investirpourdemain.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. I know you're gonna be the one. Chez Poincaré, les soldes, j'adore. 30 et 50% sur toute la collection de la saison, hors exception. Non mais vous imaginez, 30 et 50% chez Poincaré. Oh, j'adore. Plus d'infos sur poincaré.eu. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. La Chimay dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimay, les accords bière et fromage depuis 1876. Ce week-end, vous allez en Ardennes ? Oh, regarde là-bas ! Oh, il est beau le chevreuil ! Oh oui ! Ou bien dans un bon restaurant ? Il est bon le chevreuil, hein ? Oui. Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps, du vendredi matin au lundi soir. Infos et conditions sur letrain.be. Le train. Méga solde chez Plumard. Plumard. Jusqu'à moins 65% sur des centaines de matelas, sommiers, lits, box springs, linge de lit. Plumard, bien dormir est totalement. Il y a toujours un Plumard près de chez vous, à Rocourte et Verviers ou sur plume-art.be. Plumard. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo, vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. En famille ou entre amis, vous avez été des millions à suivre le parcours des Diables Rouges sur la Une, Vivacité, RTBF Ovio et sur les écrans géants. Merci d'avoir été bleu, blanc, diable avec nous. À gauche, les naturistes. À droite, les colonies de vacances. Bon, et je m'installe où, moi ? En été aussi, choisir le bon côté, c'est important. Alors, demain, dès 13h, Vivacité vous invite à prendre l'été du bon côté. Vous écoutez Vivacité, il est 18h30. Voici les titres de l'actualité aux côtés de Natacha Stragier. Bonjour. Bonjour Lucas, bonjour à tous. Le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé des peines allant jusqu'à 16 ans de prison dans le procès de la cellule de Verviers. 16 personnes ont été condamnées pour participation aux activités d'un groupe terroriste. Certaines aussi pour avoir planifié des attentats en Belgique. Le 15 janvier 2015, en début de soirée, les unités spéciales avaient mené un assaut contre une habitation de la rue de la Colline à Verviers. La police avait abattu deux terroristes présumés et en avait arrêté un autre après des échanges de tirs. Elle avait découvert dans cet appartement des charges de TATP, des munitions, des armes et des uniformes de police. On a appris aujourd'hui que des militaires français se trouvaient près du Bataclan lors de la prise d'assaut par des terroristes le 13 novembre dernier à Paris, mais ils ne sont pas intervenus, ils ne pouvaient pas. Quand seraient-ils chez nous ? Les soldats présents en rue auraient-ils eu l'autorisation de le faire ? Réponse du ministre de la Défense dans le 19h. En cyclisme, Marcel Kittel s'est imposé au sprint dans la plus longue étape de la 103e édition du Tour de France. Il a décroché son 11e succès de la saison. Comme hier, la victoire s'est jouée de quelques centimètres à la photo finish. Le Français Brian Coquard termine deuxième. Le maillot jaune, Peter Sagan, a pris la 3e place. On vous en reparle aussi dans le journal tout à l'heure. Merci Natacha. Du côté de la météo, Dominique, alors qu'en est-il ? On nous annonce un retour à un temps sec pour la nuit prochaine. Vous êtes sûr, hein ? Mais oui, c'est ça, parce que parfois... C'est étonnant, en effet. Voilà, on y croit à peine. Retour à un temps sec, minima de 8 à 13 degrés. Le vent qui va se calmer, ça c'est le menu de la nuit prochaine. Et pour la suite de la semaine, c'est une amélioration en vue. Temps sec, soleil généreux au fil des jours. Les températures qui vont remonter demain 17 à 21 degrés seulement, mais on nous parle de 25 degrés samedi et quelques coups de tonnerre évidemment à la clé dans la nuit de samedi à dimanche. On aura certainement l'occasion de confirmer ça dans les jours prochains. Inévitable, évidemment. Quoi. Comme d'habitude, quand il fait beau, il fait plus beau après. Qu'en est-il sur les routes ? Au côté de Pierre Collard-Bovie. Oui, avec toujours ces deux piétons. On ne sait pas ce qu'ils font là, vraiment, sur le 411 Luxembourg-Bruxelles, à hauteur de Vierre, de cette en direction de Bruxelles. Voilà, soyez seulement attentifs si vous les voyez. C'est jamais qu'ils puissent faire un mouvement de travers. Vous ralentissez dans la plupart des tunnels de la capitale toujours. Alors, sur le ring de Bruxelles, eh bien, plus d'une heure perdue maintenant sur le trajet Zaventem-Grand Bigard en circulation extérieure. Si vous voyez quelque chose, parce que nous n'avons aucune information sur ce ralentissement considérable quand même. Si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à nous appeler au 0800 48 400, 0800 48 400, qu'on puisse faire partager cette information. Alors, 19 minutes supplémentaires pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem, plus 10 minutes pour l'extérieur Grand Bigard au titre. Et puis toujours en cours, l'accident sur la N64-8 à Nîmes, à hauteur de Brève. La circulation s'effectue toujours en alternance sur une seule voie de circulation, ce qui engendre forcément de gros embarras dans les deux directions. Votre voiture est en morceaux à Tirlemont ? Etias est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7. Jusqu'à 19h sur Vivacité. Et on vous reparle de cette vidéo hein, qui, j'avoue, m'a bien fait rire, même si c'est un petit peu sadique. Hein. C'est l'histoire d'une animatrice polonaise à la télévision qui reçoit un magicien. Donc elle lui fait confiance, évidemment, au magicien. Et le magicien dépose des clous maintenus verticalement, si vous voulez, et dépose des sacs dessus. Le jeu, c'est de taper sa main sur le sac. Et évidemment, le clou est censé avoir disparu. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Awa, ça veut dire aïe, si vous voulez, en polonais. Oui, ça lui a bien fait mal. Vous retrouvez d'ailleurs cette vidéo sur le Facebook du 5 à 7. Mais non, c'est pas bien de rire. Mais bon, c'est des petites maladresses qui arrivent. Enfin, oui, ici, ça aurait pu être plus grave. Mais vous aussi, ça vous est sûrement arrivé de faire des gaffes, de faire des choses comme ça vraiment imprévues. D'ailleurs, on a quelqu'un en ligne qui est là pour nous raconter sa petite anecdote. Elle s'appelle Sandra. Bonjour, Sandra. Oui, bonjour. Bon, d'où vous êtes, Sandra ? De Bruxelles, Molenbeek. Qu'est-ce que vous avez fait, Sandra ? Ben écoutez, j'ai 60 ans, hein, donc j'avais à peu près 23 ans. J'habitais pour la première fois toute seule et c'était le grand événement. Je faisais un repas à mes copines. Je savais à peine cuisiner. Hein, donc, je me souviens très bien parce que je n'ai jamais oublié, hein, et mes copines non plus. C'était du veau, à ce moment-là, je mangeais du veau avec des carottes Voilà. Donc, ça jusque-là, tout va bien. L'idée était bonne. Donc déjà, le repas, ben, la viande était à moitié crue. Et les la boulette la viande était crue, les carottes étaient crues, les patates, ça va. Et alors, je termine par un super Irish coffee. Et j'ai mis du sel au lieu du sucre. Là. Et au moins, on ne vous a pas fait la blague. C'est vous-même qui l'avez fait, en plus. C'est moi-même qui l'ai fait. Oui. Bon, voilà. J'étais tellement stressée du premier repas que j'ai mais oui, ça, c'est du stress, ça arrive. Je suis sûr que 34 ans plus tard, vous en riez encore, non ? Tout à fait. C'était mon premier repas et j'ai encore contact avec une, hein, 40 ans plus tard. Les autres vous parlent plus maintenant. Voilà. Ça doit être ça, à cause de voilà, ça, depuis le sel. Voilà. Un grand merci d'avoir partagé ça avec nous, Sandra. Vous aussi, partagez. Au revoir votre petite maladresse. Au revoir. Vous les envoyez par SMS, soit au 3063 ou sur le Facebook du 5 à 7 sur Vivacité. 5 à 7. Allez, il est temps de parler de vacances à présent. Les vacances, eh bien, c'est très agréable. Vous passez du bon temps, mais vous voulez le partager, ce bon temps. Vous voulez envoyer une petite photo à vos amis, envoyer des petits SMS par-ci par-là pour les faire languir, hein, s'ils sont restés au pays. Bah oui, fini les cartes postales. Maintenant, on envoie des selfies. Vous passez même des petits coups de fil pour savoir comment va le toutou qu'on a laissé chez des amis. Bref, c'est bien connu. En vacances, on ne compte pas. Par contre, de retour à la maison, eh ben là, la facture peut s'avérer salée, justement, en cause les frais de roaming. Le roaming, ce sont les frais de communication depuis l'étranger que vous payez en surplus de vos abonnements ou sur vos cartes prépayées. Et pour nous en parler, Étienne Froment est avec nous. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous êtes journaliste au soir sur les nouvelles technologies. Alors c'est vrai, c'est quand même pas comme il y a quelques années. Avant, ça pouvait s'avérer très très cher, et je sais de quoi je parle d'ailleurs. Mais depuis, les offres des opérateurs sont plus légères, on va dire. Ceci dit, on n'est pas à l'abri de certaines surprises. C'est vrai, exactement. Donc, au cours des dernières années, les frais de roaming ont énormément diminué, surtout au sein des pays de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en dehors de l'Union européenne, par exemple, si vous voyagez en Bosnie cet été ou au Monténégro, ce sont des destinations qui sont de plus en plus populaires, eh bien, vous risquez de payer jusqu'à 15 euros par méga. C'est-à-dire que si vous ouvrez une page Internet sur votre mobile, vous risquez de payer jusqu'à 50 euros. Pour avoir ouvert une simple page. Ça peut monter très très vite. Alors c'est vrai aussi, eh bien, ça dépend des destinations. Ici vous parliez de pays d'Europe, mais pour les USA, là on aurait peut-être une petite solution qui s'avère intéressante, ce serait de carrément acheter une carte SIM. Oui, encore une fois, c'est possible d'utiliser sa carte SIM belge en souscrivant à différentes options de passe, etc. Mais ça peut coûter très cher et surtout on est très limité dans le forfait. Donc on peut opter pour notamment une carte locale chez l'opérateur américain T-Mobile qui propose une option à $30 avec jusqu'à 1000 minutes d'appel, 2 gigas de surf et des SMS illimités. C'est pas mal, mais ça reste limité dans le temps à 3 semaines. Ce qui veut dire qu'après 3 semaines, vous devez acheter de nouveau une nouvelle carte, ainsi de suite. Ah oui, c'est pas rechargeable en fait. Non, exactement. D'accord. Et pour l'Europe, là par contre, on a un opérateur belge qui visiblement aurait enfin supprimé totalement les frais de roaming, c'est vrai ? Oui, et c'est une première. Scarlett, ça appartient en fait à Proximus. Ouais. C'est le premier opérateur belge qui tire un trait sur les frais d'itinérance. La formule est plutôt intéressante, bien que niveau data, on soit encore limité à 3 gigas maximum. Mmh. Mais ce sont 3 gigas que vous pouvez utiliser aussi bien en Belgique qu'à l'étranger. En tout cas, au sein de l'Union européenne, encore une fois. Il y a une petite limitation, c'est que sur une année complète, vous ne pouvez vous trouver à l'étranger que durant une période maximale de 45 jours. D'accord, donc voilà, là il faut vraiment faire attention aussi. Même si pour le Royaume-Uni et la France, là il y a aussi une autre alternative qui peut se présenter à nous. Oui, et plus particulièrement si vous ne voulez pas changer d'opérateur. Oui, c'est mieux. Donc vous pouvez opter pour des cartes SIM qui sont spécifiquement dédiées aux data en roaming. Transatel, par exemple, propose une option de 1 giga surf à 12 euros au Royaume-Uni et à 14 euros en France. D'accord, alors on parle beaucoup de data, d'internet et tout ça. Maintenant, si on envoie quelques petits SMS alors qu'on est à l'étranger, où que ce soit, ça ne va pas non plus nous ruiner, quoi. C'est vrai, parce qu'un SMS au sein de l'Union européenne, aujourd'hui, ça coûte seulement 2 cents par message. Voilà. Pour les appels, c'est 6 cents par minute, et par méga, c'est 6 cents maximum. Donc voilà, ça a énormément diminué. Par contre, il faut se méfier. C'est du fait que voilà, on ne connaît pas forcément notre consommation, notamment pour le surf sur Internet, pour les pages mobiles, pour utiliser des applications comme Snapchat, qui consomment énormément de données. Et donc, il vaut mieux vérifier tout ça avant de partir, et notamment la destination, s'assurer que la destination vers laquelle on s'envole cet été fait bien partie de l'Union européenne, qu'il n'y a pas des détails troublants dans son abonnement. Et qu'on ne va pas se retrouver à la fin du mois avec une facture de 100-150 euros. Bah oui, parce que déjà à ce moment-là, il faut déjà penser au retour. Parce que si les vacances vous sont agréables, autant que votre retour ne soit pas un vrai cauchemar. Merci Étienne Froment d'avoir été avec nous et nous avoir donné donc ces bons petits conseils, hein, la veille de vos vacances peut-être. Un point musique tout de suite, c'est avec Marc Tosca et le Pop Story. Pop Story. Pop Story. Marc Tosca. Aujourd'hui, Pop Story vous propose une petite séquence de raga délire. Le raga, ou raga muffin, est une sorte de dérivé en version dance du reggae. En gros, c'est un genre adopté à une certaine époque par tous les ambianceurs et autres DJ jamaïcains. Chez nous, vous allez l'entendre, le raga est le meilleur des moyens pour faire passer un esprit parfois frondeur, parfois déconne, mais toujours bien délire. il y a 20 ans, Billy the Kick et les gamins en folie, culminé à la deuxième place avec... Plus on descend dans le sud et plus la concentration de ces groupes à consonance reggae est déconne et dense. Du côté de Marseille et de la Ciotat, il est fort à parier que vous allez entendre parler du Massilia Sound System. 30 ans d'existence, de vie associative et de fêtes de quartier, le Massilia qui revendique tout haut son indépendance est l'auteur de quelques jolis trésors potaches comme Elles ont des pilotes. Cette chanson dénonce la dictature de la chaussure à semelle compensée, très prisée par la cagole des Bouches-du-Rhône. Elles ont des pilotis, elles ont toutes grandi debout. Ah, qu'elles sont grandes, Daddy! Elles ont des pilotis, et ça rend tous les garçons fous. Voilà! Elles ont des pilotis, oh, elles ont toutes grandi debout. Allez, Pop Story. En tirant plus à l'ouest, du côté de Toulouse, on croise la route de Zebda, un électron totalement libre à qui l'on attribue la paternité d'un nouveau genre baptisé l'hymne festif. Ça part dans tous les sens et on en redemande. En 2000, le groupe décroche une collection de breloques lors de la distribution des Victoires de la musique. Motivé, je vous dis, restons motivés. Reconnaissant aux sudistes cet art de la dérision et du raga délire, illustré par le succès complètement inattendu et inespéré de Réglisse. À l'automne 93, le groupe de reggae Languedocien décroche une première place de notre top national avec Mets de l'huile, en imposant son style inclassable et son esprit rigolard. Allez, vas-y, Réglisse! I'm walking on the road the other day, I hear a little human say. I'm walking on the road the other day, I hear a little human say. Tu n'es pas jamaïcain, tu chantes le reggae, tu es languedocien et quand tu chantes en anglais. Tu n'es pas jamaïcain, tu chantes le reggae, tu es languedocien et quand tu chantes en anglais. Mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile. Peut-être oublié, mais Mets de l'huile était numéro 1 de notre top national en 1992. C'était Réglisse. Pop Story. Story. L'histoire des hits. Les soldes XXL, c'est aussi jusqu'à moins 70% sur toutes les marques d'encastrables. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Coucou, c'est moi, Hip. Vous voulez profiter de votre terrasse pour un prix vraiment vert? Recevez maintenant, bam, 50% de réduction sur tous les meubles de jardin de votre hypermarché Carrefour. Action valable jusqu'à épuisement du stock. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Des soldes, il y en a partout. Mais il y a soldes et soldes. Et chez Falzone, vous trouverez du carrelage et du sanitaire soldé. De quoi craquer sans culpabilité. Carrelage Falzone. Notre expérience fait la différence. Carrelage Falzone, rue de Mangombrou à Verviers et nouveau showroom de 2000 m2, avenue Georges Truffaut à Liège, ancien magasin Massive. Je suis en train de découvrir les conditions soldes des meubles Rigaud avisés. Et je peux vous dire que ce ne sont pas les petites remises qu'ils vous préparent. Meubles Rigaud. Ah non, désolé, je peux pas vous en dire plus à la radio. Mais si vous passez avisé, vous saurez tout. Le carrelage, c'est Caro. Pendant tout le mois de juillet, Caro propose un grand choix de qualité, les meilleurs conseils et des prix incroyables. Vous voulez des conditions attractives pour lancer vos projets d'aménagement intérieur et extérieur? Pour le carrelage à prix soldé, foncez chez Caro. Le carrelage, c'est Caro. Caro, rue des Français 239 à Anse, parking biaisé à l'arrière du bâtiment. 5 à 7 avec Lucas Correa. Et juste après les 5 à 7, sur Vivacité, comme tous les jours, rendez-vous musical avec le Tip Top quotidien. On va revenir sur ce classement de Vivacité que vous retrouvez tous les samedis. Vous découvrirez eh bien, les titres du classement, des titres un petit peu plus vieux aussi, puisqu'il y a le rétro Tip Top et des nouveautés, je vous le disais, notamment avec celle-ci, les souliers rouges. Être seul, être là, être enfin face à soi-même. Être encore face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, hein. C'est Marc Lavoine que vous avez pu reconnaître avec sa voix bien particulière. Il y a aussi Arthur H et Cœur de Pirate. Il y a toute une petite histoire autour de cette chanson. Je vous la raconterai tout à l'heure à partir de 19h. Et dans le 5 à 7, on va faire un plouf maintenant. Et oui, on va parler de la mer, des plages. Aussi, c'est très agréable. Hein. Ça vous permet évidemment de vous vider l'esprit, de pouvoir être en pleine zénitude, d'avoir les enfants qui jouent. Mais depuis plusieurs temps maintenant, eh bien, il n'y a plus de sauveteurs sur les plages. Il y a de moins en moins de sécurité qui est assurée par ces surveillants. Donc, il y a quand même plusieurs précautions à prendre pour que vos enfants puissent gambader près de l'eau en toute sécurité. Alors justement, Simon Verdonck est avec nous. Vous êtes coordinateur pédagogique à la Ligue francophone belge de sauvetage. Bonsoir. Bonsoir. Alors évidemment, c'est quand même les enfants qui sont le plus à risque hein, dans ce cas-là sur les plages. Oui, ils font partie effectivement du groupe d'âge le plus à risque parce qu'ils ont effectivement des capacités natatoires un petit peu plus faibles que les autres. Oui, et puis en plus avec les marées et tout, l'enfant peut se déplacer alors qu'il se trouvait juste en face de chez les parents. Quels conseils on peut dire au niveau de l'équipement? On est nombreux à essayer de leur donner une bouée avec un petit canard ou bien les fameux brassards là, que les enfants essayent toujours d'enlever d'ailleurs. Oui, bah, effectivement, c'est important de leur donner un moyen de flottaison pour qu'ils puissent garder bien la tête hors de l'eau. Alors à choisir entre les brassards et la bouée type canard, bah, l'idéal effectivement ce serait de leur mettre des brassards qui les tiennent bien au niveau des bras, même si on peut encore augmenter un petit peu l'efficacité en leur mettant un gilet de sauvetage peut-être, avec un système de fixation entre les jambes pour éviter qu'ils sortirent. Maintenant, ça limite un peu le mouvement, ça peut les gêner, mais bon, la sécurité n'a pas de prix, je pense. Oui, parce qu'un brassard, ça peut se dégonfler, ça peut s'abîmer assez facilement s'il tombe sur quelque chose dans l'eau ou un truc comme ça, un caillou, quoi. Ça peut se dégonfler, se trouer, ça peut peut-être aussi glisser des bras. Donc, mais bon, voilà, maintenant, c'est toujours mieux que la bouée canard, mais ce n'est pas la solution optimale, on va dire. L'optimal, ce serait le gilet fixé entre les jambes. Ça, c'est pour l'équipement, mais la meilleure solution, ça reste qu'un adulte ait toujours les yeux dessus, tout simplement. Les yeux dessus, mais pas seulement les yeux, parce que bon, si on se retrouve à 50 mètres ou à 100 mètres, le temps d'arriver près de l'enfant, le temps de réaction peut être assez long. L'idéal, c'est de rester à portée de main des enfants pour à tout moment pouvoir ressortir la tête hors de l'eau pour les tenir à l'air libre. Et quitte à se relayer, évidemment, si on est en famille, que l'un fasse un petit somme pendant que l'autre a les yeux sur les enfants, ça coule de source. On va aussi évoquer une légende urbaine. C'est vrai qu'on dit toujours aux plus petits, n'allez pas vous baigner après avoir mangé, ça peut être dangereux, vous pouvez avoir des problèmes par rapport à ça, c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors c'est pas vrai, c'est pas la cause principale du malaise n'est pas le repas, mais plutôt ce qu'on appelle le choc d'hydrocution. Donc ce serait le fait d'être exposé à une grosse chaleur. On est sur la plage, le soleil qui frappe bien, le corps est bien chaud, et puis on va s'immerger dans une eau bien froide, donc il y a un choc thermique et c'est ça qui peut entraîner la syncope et donc la noyade, plus que vraiment le fait d'avoir mangé. L'effet est légèrement amplifié après un repas, mais c'est surtout la grosse différence de température entre le corps et l'eau qui peut entraîner cette syncope. Donc on y va doucement, on met un petit peu d'eau sur sa nuque et sur sa tête pour déjà s'habituer à la température de l'eau pour éviter tous ces risques. Bah écoutez, merci, les enfants et les grands aussi vont pouvoir aller nager tranquille. Merci d'avoir été avec nous, monsieur Simon Verdonck, coordinateur pédagogique. Alors, c'est plaisir. Oui, vous dites ? Avec plaisir. Je, avec je pensais plaisir. Que vous me disiez, j'ai encore quelque chose à dire. Bah, écoutez, l'antenne est à vous. L'antenne est à vous. Vous êtes donc coordinateur pédagogique à la Ligue francophone belge de sauvetage. Dans quelques instants, eh bien, vous allez entendre le best-of des enfants de cœur. Mais avant, je voulais vous rappeler notre fil rouge d'aujourd'hui. Cette malencontreuse histoire d'une animatrice polonaise qui s'est fait mettre un clou, si vous voulez, dans la main par un magicien un peu expérimenté qui a eu la mésaventure de rater son tour de magie. Elle a eu très très mal. Donc de là la question, vous, quelle petite maladresse vous avez déjà eu, quelle petite gaffe, quelle petite bêtise ont pu faire rire évidemment votre entourage. On parle de choses relativement soft, n'hésitez pas à continuer à nous les communiquer. Il y a beaucoup le fait de mélanger le sel et le sucre dans les repas. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui l'a fait pour son mariage, le premier repas après le mariage. Ça donne une mauvaise image évidemment dès le début. Vous aussi, vous en avez sûrement 30-63 pour les partager avec nous. Vous pouvez également les envoyer via notre page Facebook, vous tapez 5 à 7 Vivacité. On vous a mis d'ailleurs aussi sur la page Facebook la vidéo de cette madame qui a eu très très mal à la main. Les enfants de cœur. Les enfants de cœur. Ça va se terminer. Lorsque les grandes vacances arrivent, la question cruciale qui préoccupe en premier lieu les parents est: qu'est-ce qu'on va foutre avec les enfants pour les amuser et accessoirement pour s'en débarrasser, même qu'on aurait mieux fait d'en réfléchir avant d'en faire plusieurs. La solution dans ma région, c'est ce qu'on appelle la plaine de jeux, un lieu de parcage d'enfants qu'on appelle aussi stage, quand le bricolage en papier mâché fabriqué par nos petits est en papier recyclé et quand le prix est multiplié par 4, bien sûr. Pour les personnes âgées que nous chérissons plus que tout dans notre pays, surtout quand on est sur la liste des héritiers, rien du genre n'existe malheureusement. En me basant sur les plaisirs de ma voisine Fernande, qui est un peu à nos aînés ce que l'exorciste est au cinéma, un sommet de l'horreur, j'ai donc créé un nouveau concept de vacances similaire, la plaine de vieux. Le principe est simple, fournir à nos proches vieillissants que nous adorons tant des activités amusantes adaptées à leurs capacités naturelles, dont voici le programme d'une journée type. Pour commencer la journée, à 10h30, après le lever de tous les résidents encore en vie, petite séance d'exercice physique personnalisé sous forme de jeu, le Becky Bowling. Je vous explique, les pensionnaires qui se déplacent avec des béquilles sont disposés par 6 en triangle dans un couloir. Un infirmier qui a le droit de s'amuser aussi lance chaque pensionnaire en chaise roulante sur les personnes alignées. Le gagnant du jeu est le pensionnaire en chaise roulante qui a fait tomber le plus de personnes en béquille. Après cela, afin de reprendre son souffle s'il en reste, de 11h à midi, petite partie de pêche au canard maison. Pour ce jeu, une cuvette de toilette est volontairement bouchée avec la perruque d'une pensionnaire et remplie d'eau. Tous les concurrents y laissent tomber leurs dentiers et chacun doit y repêcher le sien avec une petite canne à pêche. Celui qui ne le retrouve pas est privé de repas de midi. À midi donc, un repas est servi en extérieur, quel que soit le temps. S'il pleut, l'averse fait office de toilette du soir. Ce repas comprend en entrée un toast aux champignons, vénéneux et non vénéneux, distribués au hasard, il faut rester ludique. En plat, un moule frites avec frites en purée et moule concassé avec les coquilles pour éviter les pertes de temps. Et en dessert, du nougat, juste pour déconner. Enfin, durant l'après-midi, avant de coucher, l'extinction des feux prévue vers 16h, en été, les choux raccourcissent déjà vite, les pensionnaires ont le choix entre 3 activités. Pour les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, un lâcher en ville sans papier d'identité. Le premier retrouvé par sa famille a gagné. Pour les sourds, une partie d'autoroute Maillard où, comme son nom l'indique, le pensionnaire est lâché les yeux bandés sur une autoroute. Le dernier qui échappe aux voitures a gagné. Et enfin, pour les incontinents, une chaise percée musicale. Pour l'équité du jeu, les concurrents seront bien sûr répartis en deux catégories, les hommes et les femmes. Il s'agit en effet de ne pas avantager les dames, puisqu'il est bien connu qu'il est plus facile de tourner autour de la chaise avec sa jupe relevée qu'avec son pantalon baissé. Bonne pleine de vieux à tous. Oh, vous êtes un immonde personnage. Dominique Watrin. La plaine de jeux pour vieux que vous venez d'entendre aux côtés des Enfants de cœur et de Dominique Watrin. Ils ont enregistré à Québec, hein, ils ont voyagé, hein, nos Enfants de cœur. C'était dans le cadre d'un festival d'humour. Demain, évidemment, vous aurez droit à un autre extrait. Dans quelques instants, on va essayer d'articuler au moins jusque la fin du Tip Top, car il arrive et on aura Louane numéro 9 aujourd'hui. Atteint l'eau sur le nouveau centre commercial, solde jusqu'à moins 50% sur des dizaines de salons relax, lits, meubles et articles de décoration. Mobilier tendance, la qualité à prix d'ami. Ouvert du mardi au dimanche inclus, de 10 à 18h30. Mobilier tendance. Solde monstre chez Décorama. De moins 20, moins 50% sur des milliers d'articles signalés par étiquette. Papier peint, peinture, tenture, vinyle, parquet, déco, mobilier et luminaire. Décorama, ça ce sont des soldes. Votre magasin le plus proche sur décorama.be. Actuellement, moins 25% sur les mélanges machines Lévis Ambiance. En télé sur la une. L'été de Devoir d'enquête. Une collection de documents inédits, des révélations exclusives, des témoins privilégiés. Parfois j'avais peur, je tremblais en décrochant le téléphone. Pour découvrir les dessous de l'actualité judiciaire, rendez-vous avec Devoir d'enquête chaque mercredi sur la Une. Tube de l'été, nouvelles de nos people, des Belges à l'étranger. Radio du Monde, météo des plages. Chaque jour, dès 11h sur Vivacité, détendez-vous. Stéphane Piedboeuf vous emmène sous d'autres latitudes et donne à votre journée un air de vacances. Ceratec, une nouvelle façon de voir le carrelage. Pour les soldes, rien ne change chez Ceratec. Service exemplaire, idée originale, collection unique. Nous avons juste revu nos prix à la baisse. Alors plus que jamais pour vos carrelages, passez nous voir. Ceratec, le carrelage réinventé. Chaussée Romaine à Warem. Dit, la Suzy de la boulangerie a encore fait très fort. Non. Tu te souviens, elle avait réservé un vol sur thomascookairlines.be. Oui, alors ? Alors, elle est rentrée avec un maître nageur espagnol. Oh, c'est pas vrai ! Qu'est-ce que tu fais ? Ben, je réserve aussi un vol sur thomascookairlines.be, tiens. Réservez votre vol à partir de 49,99€ sur thomascookairlines.be et envolez-vous au soleil avec nous. Bienvenue chez EY, anciennement Ernst & Young. Suivez-moi. EY forme des athlètes d'entreprise. Nous développons des arguments convaincants qui sont parfois décochés selon un angle surprenant. Pour chaque dossier, nous plongeons au fond des choses. Quelle que soit la discipline pratiquée, innovation, big data, IT, cybersécurité, nous visons toujours dans le mille. Alors, prêt pour ton premier jour ? Surfez sur ey.com/be pour débuter une carrière de haut niveau. EY, sponsor dynamique du Team Belgium. Sur vandenborg.be, je compare tous les appareils. Je peux les voir en photo et en vidéo. Je sais immédiatement dans quel magasin mon appareil est disponible. D'abord, je choisis mon appareil, puis je vais l'acheter au magasin. Moi, je l'achète en ligne et puis je vais le retirer, dans la demi-heure. Parfois, je me fais livrer. C'est tout à fait gratuit. 1 million de visiteurs par mois. Et chacun choisit à sa manière sur vandenborg.be. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. Il est 19h. Natacha Stragé, bonsoir. La justice a infligé des peines allant jusqu'à 16 ans de prison aux membres de la cellule djihadiste démantelée en janvier 2015 à Verviers. La peine maximale écope notamment à Marwan El Bali qui avait été arrêté ce jour-là alors que deux autres suspects avaient été abattus. Dans son réquisitoire, le parquet avait souligné que les prévenus avaient combattu dans les rangs du groupe État islamique en Syrie et qu'ils avaient été en contact constant avec Abdelhamid Abaout, organisateur présumé des attentats de Paris. Il préparait également un attentat en Belgique. Le ministère de la Défense assure que les militaires déployés en rue ont tous les moyens à leur disposition pour réagir adéquatement à des incidents dans le cadre de leur mission. Selon le député Georges Dalmagne, 6 militaires français se trouvaient devant le Bataclan le soir des attentats de Paris, mais ils ne sont pas intervenus car leurs règles d'engagement ne le prévoient pas.